3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Knicks in six. Pas facile à dire ça. Bon, bienvenue le 6 mai 2024. Et oui, épisode 89 de Have a Knicks Week. La série continue, the saga continue pour les Knicks, pour nous aussi sur KNF TV où on parle encore actualité. Et oui, ça fait plaisir au mois de mai. Le mois d'avril est terminé, le mois de mai est là. Et on parle toujours des Knicks et de leurs matchs qui nous font vibrer. Seb, comment tu vas ? Ah bah écoute, nickel, hein, on est en deuxième semaine, enfin en troisième semaine des playoffs quoi, donc c'est toujours bon signe, on est en bonne position pour continuer à faire un petit parcours, donc bah écoute, c'est toujours chouette. On va regarder tout ça ensemble, vous le savez, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des Knicks, et ben on va continuer tout ça ensemble. Et on a encore, comme d'habitude, beaucoup de choses à se raconter, parce qu'il y a une série qui s'est terminée, et s'est terminée d'une certaine façon, et il y en a une autre qui arrive, et elle promet aussi également de belles petites choses, avec des petites odeurs de rivalerie qui reviennent. Ça, vous connaissez, on va en prendre toute la série, et bah, on va se faire plaisir avec. Alors, on perd pas plus de temps, on lance le petit jingle, et on regarde ce qui s'est passé à la fin de ce premier tour face aux Philadelphia Sixers la semaine dernière. C'est parti. Et voilà, les Knicks passent en mode advance. Et oui, ils passent un tour. Encore une fois, encore une saison. Ça fait plaisir de voir les Knicks qui passent des tours en playoff. Et on va finir par en prendre une très bonne habitude de voir les Knicks passer des tours. C'était pas un adversaire évident. Hein. On va commencer par saluer l'adversité proposée par les Philadelphia Sixers. Les Knicks sont peut-être deuxième à l'issue de la saison régulière. Les Sixers septième par malheureusement les blessures qui les ont touchés, qui les ont fait rétrograder. Mais on avait une affiche qui aurait très bien pu faire une affiche de second tour de playoff. Une belle adversité. Et déjà, commençons par remercier l'adversaire qui nous a proposé une bonne série au final. Moi, je pense que si on avait dû passer en 7, je ne sais pas si nous donnait gagnant. avec un Maxi, bon, heureusement, il a été moins rayonnant que sur le Game 5. Mais un bid qui faisait un peu ce qu'il voulait dans la peinture, une défense qui montait en régime, enfin... Voilà, les Sixers, c'était vraiment une très très grosse, un très gros morceau, une très grosse adversité. Et les battre, c'est pas rien, quoi. C'est quand même... C'était un faux set. Pas un effet quand t'as une équipe sans et avec Embiid, quoi. Sans Embiid, c'est une équipe qui a chuté au classement et qui s'est retrouvée justement 7e, 8e. Mais une équipe avec Embiid, c'est une équipe qui, normalement, doit être dans les 2-3 de la conférence, quoi. Oui, qui est sur le podium, voire top 4, en tout cas avec un avantage du terrain, et pas passé par le play-in. Ils ont une saison compliquée, mais on les a battus, et voilà, ça permet aussi de donner un peu plus d'ampleur à cette qualification. C'était pas un petit adversaire. Bon, qui dit passer au second tour, dit passer également à un nouveau rassemblement, une nouvelle KNF Viewing Party en mode playoff. Ça sera ce dimanche-ci, oui, le dimanche 12 mai à partir de 21h. Un match qui commencera à 21h30, toujours au Hideout Paris Gare du Nord. Vous connaissez l'adresse. On ne peut que vous recommander d'être présent pour cette nouvelle KNF Viewing Party. Ça sera peut-être la dernière de la saison parce qu'après, vous le savez, les programmations des matchs se feront plus tardivement, notamment pour le public américain. Et le public européen devrait avoir peut-être quelques miettes, mais c'est pas certain qu'on puisse avoir d'autres matchs. Là, ça sera le match 4, donc le second tour sera déjà bien entamé. Est-ce qu'on parlera de sweep ? On va voir. On va en parler tout à l'heure de cette série face aux Pacers. Est-ce qu'on s'annonce une série rapide ou est-ce que ça sera une série qui va durer? Mais quoi qu'il arrive, on aura ce match 4, ça c'est sûr et certain, sweep ou pas sweep. Donc voilà, prenez date tout de suite, prenez rendez-vous. On a déjà communiqué sur les réseaux sociaux. Il y avait déjà beaucoup de monde à la première Canet Viewing Party en mode playoff il y a 2 semaines de ça, face aux Philadelphia Sixers. C'était pour un match 4 aussi. On n'a pas eu de sweep, mais on a eu une belle victoire. On a eu un beau Jalen Brunson. Ça s'était passé au Wells Fargo Center à Philadelphie. Là, on sera sur le Bankerfield House Arena. Je sais pas quoi, des noms compliqués encore. Mais en tout cas, ça sera à Indiana, Indianapolis, que les Knicks essaieront d'aller chercher une victoire à l'extérieur. Le Et on Bankers compte Life sur vous. Field House. Voilà, bon. Hey, le MSG, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais on ne peut pas tout le temps Le jouer au BLF. MSG. Le Et BLF. malheureusement, les Knicks ont l'avantage du terrain, donc ont l'avantage du terrain pour débuter la série, pas pour le milieu de la série. Et donc ça se passera chez les Pacers. Une belle ambiance à ne pas en douter. Il y aura du jaune dans les gradins. Nous, on mettra du orange and blue dans le hideout pour contrebalancer un petit peu tout ça. Et on compte sur vous. Venez nombreux et nombreuses pour passer un très bon moment et mettre l'ambiance comme il se doit au hideout Paris Gare du Nord. Donc ce dimanche, rendez-vous à 21h, j'y serai. Promis, j'y serai cette fois-ci. Je ne la louperai pas cette viewing party. Bon, ça c'est l'événement associatif parce qu'il faut en parler, il faut que ça se sache. Donc n'hésitez pas à en parler. Et des gens qui parlent, et bien des gens en vacances qui parlent déjà, et oui, et un certain Jimmy Butler, pourquoi donc? Jimmy Butler qui n'a Parce qu'il pas s'ennuie. beaucoup joué les playoffs, il doit s'ennuyer et peut-être que les cocktails Mojito et autres Pina Colada montent un peu à la tête. Et il a eu quelques déclarations en disant que voilà, s'il avait été là. Eh ben oui, les Miami Heat seraient passés. Donc faut croire qu'ils auraient éliminé ces Boston Celtics. Ou du moins, en tout cas, s'ils avaient dû se frotter aux New York Knicks, il n'y aurait pas eu de problème. Et Josh Hart, qui. Voilà, ça, c'est pas un Josh Hart qui allait lui faire peur. Bon, du Jimmy Buckets qui fait parler de lui, Oui, hein, bon, parce que bah, maintenant, faut bien ramener un les petit Knicks peu sont la toujours en cours. couverture médiatique à des joueurs anciennement All-Star qui sont en mal. En mal d'exposition, hein, on va dire ça comme ça. Josh Hart a réagi, comme il le fait à sa façon sur les réseaux sociaux. C'était marrant, avec un petit même avec 50 Cent, en mode Oh mon Dieu, je suis blessé de ce que tu me dis. Voilà, qui d'autre que le roi du clash, 50 Cent, pour répondre à Jimmy Butler. Hein. On va laisser Jimmy profiter de ses vacances. Et nous, on Voilà. va continuer de profiter de nos playoffs. Hein. Voilà, laisse-nous tranquille, Jimmy. Voilà. Laisse-nous tranquille. Prochaine fois qu'il va Bon. jouer au basket, ça sera en novembre. C'est ça. Donc, prends ton temps, soigne-toi bien, et puis on verra où en est la hit culture à ce Profite de moment-là. tes dernières années à 35 piges de la NBA. Oh. Bon, d'autres joueurs qui sont déjà en vacances et qui ont fait parler d'eux. Alors, pas par des déclarations, là c'est plutôt les transferts et les rumeurs de transferts, les fantasmes, les montages Photoshop qui arrivent, et puis Stephen et Smith qui en remet une petite couche. Alors, Stephen et Smith n'a pas parlé avec ce joueur, mais peut-être que ce joueur démentira. Mais Stephen A. Smith, lui, il est persuadé que Devin Booker, il aimerait venir jouer à New York. Il aimerait venir jouer aux Il Knicks. On n'est même pas encore y a éliminé. des On était déclats quand même encore en cette plein semaine. milieu de cette série. Et il fallait retrouver un petit peu aussi d'attention médiatique vers des joueurs et des franchises qui se font plus en course. Il y a eu un sweep assez retentissant du côté de l'Arizona. Ah oui. 4-0 avec un Big Three à base de Kevin Durant, de Devin Booker et de Bradley Beal. Beaucoup de millions de dollars en comptabilité, mais voilà, 4-0, pas de victoire en playoff, ça fait un peu tâche. Alors certes, les Minnesota Timberwolves font une C'est belle fort. saison, certes, Ah ils font ouais, une c'est bonne fort. post-season. Pour l'instant, ils mènent 1-0 face aux champions sortants. Donc voilà, il n'y a pas de honte à perdre, à se faire éliminer contre une équipe qui a terminé numéro 2 de la conférence. Mais ceci dit, voilà, peut-être que le projet Suns pourrait prendre de l'eau dans le gaz. Le propriétaire Matijbia, si je crois, si je dis pas de Ouais, je bêtises, pense. a tout de suite sorti l'extincteur. Et il faut dire que dans l'Arizona, un départ de feu, il vaut mieux vite le contenir pour dire que non, non, non, Devin Booker, il est encore aux Suns pendant 10 ans. 10 ans. On verra, il a un contrat encore pour 2-3 saisons. On sait qu'il a des liens avec l'ancien agent Léon Rose de chez CIA. Hein, vous le connaissez bien, Léon Rose. À voir, mais en tout cas, bon, il y a eu des rumeurs qui valent ce qu'elles valent, surtout à cette époque-là de l'année, surtout à ce moment où les Knicks sont en plein focus et pleine bourre en playoff, qui dirait, qui laisserait entendre dire que les Knicks seraient prêts à faire un peu Hein, all-in, pourquoi pas, pour s'attacher les services de Devin Booker. Je Bon, c'est pense très pas tôt, c'est très que. anticipé, c'est de la science-fiction. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce Ouais, qu'on je en dit de tout comprends pas. ça? Moi, tu vois, moi, je vois pas le front office alors que tu es focus sur les playoffs, que tu viens de sortir une belle équipe de Philadelphie, que tu peux espérer faire quelque chose de bien cette année. Et comme ça, c'est parler à des insiders en disant oui, peut-être pour déstabiliser le groupe, en disant oui, bon, peut-être qu'on va faire des trades pour avoir Booker, machin, tout ça. Je les vois pas, mais alors pas du tout, du tout. La preuve en est, c'est que Stephen Smith lui me dit, oh, je vais pas parler avec le joueur, mais le joueur veut venir au Knicks. Non, mais c'est tellement lunaire. C'est tellement lunaire. Mais enfin bref, je sais même pas si les gens se rendent Non, compte. Mais après, d'ailleurs, ça fait un peu d'agitation sur la toile et voilà, c'est juste ça, c'est dessus. voilà. Je te connais pas, mais je sais ce que tu veux. Je t'ai pas parlé, mais ouais, Je ça, vais pas je sais ça, parler, par contre. mais je vais arriver à venir. Bon, ceci dit, moi, Devin Booker, c'est un joueur sur lequel je me dis qu'effectivement, il peut y avoir des connexions, mais chaque chose en son temps. Clairement, les Knicks ne sont pas en ce moment sur des projections Non, non, sur non, non, non, ce non, qui va non. se passer l'été prochain. Clairement, il y a d'autres chats à Ça fouetter et les plans se dessineront va cet avoir 4 mois été. pour réfléchir à tout ça après les playoffs. Hein, donc, En tout cas, que le projet Suns explose. Pourquoi pas? Est-ce que ça, je le c'est vois pas Booker qui exploser. sera le premier à sauter? C'est pas certain. Kevin Durant a fait part de certains mécontentements vis-à-vis de son Ah bon? utilisation. Son âge Encore une avancé fois. fait que, encore une Mais fois, on alors. sait que Bradley Beal, lui, a une no trade clause, donc ça sera plus compliqué de Mais il n'avait pas bouger. forcé son trade Durant pour aller aux Suns. Oh, à un Bon, moment, je sais les pas, Suns je. faisaient partie des destinations préférées Il est pas. à la suite d'un départ, enfin, s'il parlait d'un départ des Nets. Donc, Kevin Ah ouais, Durant, d'accord. il aimerait bien partir, mais bon, quand ça perd, Il aimerait partir, après. mais quand ça gagne, quoi. Parce que c'est marrant, Bon, allez. mais quand il arrive, ça gagne plus. Bon, hormis aux Warriors, mais parce que bon, t'avais quand même cette équipe-là qui était en pleine bourre. Mais c'est marrant, après, quand il s'engage dans un projet, ça marche plus. Bref, Bizarre. voilà. Kevin, Des est-ce que joueurs comme tu ça, c'est regrettes bizarre, hein? de ne pas avoir signé Onyx? Ça, on verra. En tout cas, nous, notre président exécutif des opérations basketball, est-ce qu'il fera all-in sur Devin Booker? Ça, on verra. Est-ce qu'il a encore des connexions avec Devin Booker? On verra. Mais en tout cas, on a vu des choses cette saison. On a vu des moves. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu deux, en tout cas. Plus, si on considère l'intersaison, la signature de Dante DiVincenzo. Et avec toute cette belle saison et ses résultats, et cette campagne de playoff qui continue, eh ben on aurait pu se dire, ben voilà, notre ami Léon Rose, il va avoir quelques votes, il va être plutôt crédité de son travail et de la qualité de son travail pour le titre d'exécutif de year. Eh ben il termine que une petite quatrième place, hein, derrière Brad Stevens des Boston Celtics. Alors Boston Celtics, oui, il y a eu les trades Jrue Holiday, il y a eu le trade Porzi et Marcus Smart, Jrue Kristaps Porzingis, c'est une belle saison. Et finalement, il n'avait pas de C'était déjà finaliste une dans les équipe awards forte. individuels. C'était déjà une C'était équipe déjà une équipe forte. forte qui était. Mais finalement, Et là c'est lui encore. le executive of the year, Brad Stevens. Très bien, bravo à lui. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu déçu de se dire, mince, le travail de Léon Rose n'a pas été très, enfin, apprécié à sa juste valeur avec cette que quatrième place. Qu'est-ce que tu en as Bah, pensé? Toi, tu le voyais pas un peu moi, plus moi. haut dans Bah, quand ne même, serait-ce qu'un enfin, je veux dire, podium? comme tu dis, on fait quand même deux moves, et c'est pas rien. RJ et IQ qui partent pour Anunoby, donc déjà le premier, donc ça, voilà. Le deuxième, bon, qui est peut-être un peu plus anecdotique, avec donc Grimes À la et deadline. Van pour Boyan, et Burks. Bon, finalement, c'est plus pour Boyan que pour Burks. Et puis, comme tu dis, après derrière, on va chercher un Dante cet été. On re-signe à un tarif et on fait confiance parce qu'on sent qu'il a du potentiel. Le petit Miles McBride, voilà. Et à côté de ça, enfin, comme tu dis, il finit à une quatrième place. Alors, j'ai pas vu après qui sont les Alors, on a offres. Sam Presti. Sam Presti, alors au Thunder, qui fait une très belle saison, mais quels ont été les moves? Il y a eu C'est Gordon ça. Hayward, mais bon. Et Et c'est quoi les puis, ajouts? Ben Gordon Hayward, il joue même pas. Tim Connelly des Minnesota Timberwolves, qui font une belle saison, il n'y a pas à dire. Ceci dit, Non les mais d'accord, moves mais ça, réalisés en Gobert courant de l'année dernière. saison, ou... voilà, ouais. Donc on peut se poser des questions sur cette appréciation de quelle est Ben, c'est pas les... quelles sont les qualités. rétroactivement que tu dois juger. Et puis Sampresti, il a vendu père et mère pour avoir des pics. À un moment donné, il faut bien que ça marche, quoi. Donc quand tu piques 12 fois en loterie pendant 6 ans, À un j'y moment, crois dans pas, le lot, dans t'en le récupères lot. un ou deux qui... Voilà, bon, j'exagère le trait, mais c'est un peu l'histoire, quoi. Donc évidemment que tu récupères après des mecs comme des Chet Holmgren, des Jalen Williams. Après d'ailleurs, oui, ils avaient fait un bon trade pour avoir Shai Gilgeous-Alexander, mais ça remonte maintenant parce que c'était pour Paul George, donc ça remonte à 2018. Un truc comme ça, 2018, ouais, le Bah, c'est trade. en ça où cette appréciation de qui a fait des moves et qui a fait des moves payants et qui a du coup montré une prise de risque qui a été Je bénéfique veux pour bien l'équipe, Boston, pour on peut le Brad concéder. Stevens. On peut En le effet, reconnaître. ils ont On peut le fait. reconnaître. Mais je veux dire, il s'est pas roulé les pouces, quoi. Hein. Et puis, les ajustements qu'il a fait, Léon Rose, ont porté leurs fruits. Et puis là, on l'a vu notamment en playoff. Hein. Un Oji a été déterminant. Un Dante, durant cette saison, il a fait la meilleure saison de sa carrière, notamment à 3 points. Un McBride, on en a parlé, machin. Mais dans ces cas, si c'est rétroactivement, il est allé chercher aussi Jalen Brunson et Isaiah Hartenstein. Oui. Enfin, je veux dire, Et un Thibodeau tu il vois y ce a que je veux quelques dire. C'est saisons. que. Ouais. Non, non, mais effectivement, Oui. c'est un peu surprenant, on va dire, ce classement. Non pas que les autres équipes n'ont pas démérité dans la saison. Ils ont des bons résultats, mais on est plutôt dans une continuité sur les deux autres équipes que sont le Thunder et les Wolves. Là où, côté Knicks, quand on regarde le 5 de départ en début de saison et le 5 de départ en fin de saison, bien sûr, il y a des blessures, mais on a quand même un 5 qui est quand même bien remanié. Et pour autant, l'équipe a. Performé, a augmenté sa place dans la conférence Est en courant de saison. Donc on aurait pu se dire que ces moves sont finalement des moves gagnants et auraient permis justement à Léon Rose d'avoir un meilleur crédit par rapport à sa politique de gestion. Bon, Que allez, on fait Sampresti, la c'est que fine la draft en bouche. fait. C'est uniquement la draft, hein. Il est quatrième, ça montre en tout cas une reconnaissance de son travail, même si on aurait Ouais, aimé le je voir un regardais la petit peu plus liste loin. là. Je regardais la liste là, mais même Tim Connelly. Hein. Tim Connelly, c'était l'année dernière. Hein. C'était à tous les mouvements qu'il a fait cette saison. Il est reparti avec exactement le même groupe. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de. Enfin. Ils ont récupéré des blessés qu'ils n'avaient pas l'année dernière. Et puis, ils sont repartis avec exactement le même effectif en Et fait. ouais, Donc, un peu curieux ces ouais, critères non, de c'est choix en tout bizarre. cas. Bon, écoute, hein, tant pis. Bon allez, au rayon des Je choses pense que ça n'a pas bizarres. changé la vie de Léon Rose, je pense. Non, non, non, mais lui qui est peu dans les médias, on aura peut-être eu l'occasion En de le voir plus. un peu avec un trophée. Eh ben écoute, tant pis, ça sera pour Larry O'Brien Trophy avec James Dolan à côté, en juin. Ah, punaise. Oh, et. Personne n'est prêt à ça, hein. Personne n'est T'imagines prêt à ça, Dolan, hein. quoi, tiens. Personne. Personne n'est prêt à ça. Et oui, James Dolan, le Larry O'Brien Trophy. Oh là là. Non Le mais je président. Bon, rigole, bref. mais c'est pas, je rigole pas tant sur le fait de m'imaginer les Knicks gagner, mais juste vu comment ce type est détesté dans le monde du basket, de le voir sa trombine avec le trophée, Il y aura un je sais côté pas. irréel. Un côté réel, un Ouais. côté. Ouais. Bon, au rayon des choses irréelles, bah, on a vu des gens de Philly qui n'ont pas apprécié les déplacements en masse des New Yorkais. Alors oui, on le sait, New York, c'est pas très loin de Philadelphie. Pour preuve, nous, on a fait ce déplacement lors de notre dernier voyage associatif. Et pour le match 6, qui était un petit peu un match tendu, win or go home, ça, il y en a eu deux finalement pour les Sixers, bah, ils ont pris la décision d'acheter quelques places et de les reverser. Alors, c'est gentil, ça a été fait vis-à-vis d'associations de travailleurs locaux et vis-à-vis de la population locale de Philadelphie. Les places sont sûrement moins chères qu'au Madison Square Garden. C'est aussi pour ça que les New Yorkais peuvent accéder à ces places lors de certains playoffs. On aura sûrement moins l'occasion de voir des déplacements massifs de supporters pour le second tour. Mais voilà, il y a eu cette petite opération de com, histoire d'acheter un peu du public. Bon, c'était un petit coup d'épée dans l'eau, on va dire. Ça n'a pas porté ses fruits. Même s'il y a eu peut-être un peu plus de supporting cast de la part du public sur le match 6 que ça n'avait été le cas sur le match 4. Non, non, le Et on a match eu 4. aussi... c'était abusé, mais voilà, après, aux supporters aussi de se faire entendre et de supporter leur équipe. Oui, Les New-Yorkais, on sait qu'ils sont ils ont vocaux, pas braqué nombreux. ils ont pas braqué les places, ça, les supporters, ils les ont achetés, hein, donc c'est ils Et se sont juste mobilisés en masse, c'est tout, hein. peut-être même à des supporters de Philadelphie. En tout Peut-être cas, ça même, a oui. permis à Joel Embiid de faire une déclaration de plus en indiquant que New York, c'était sa ville préférée et que même s'il faisait siffler, huer au Madison Square Garden, il aimait ça. À voir s'il aime tellement ça qu'il aura envie d'y revenir jouer plus souvent. Ça, on verra ça l'été prochain. Parce que Il s'est pas fait que des copains, même si certains aimeraient toujours le voir porter la tunique Orange and Blue. bah J'ai écoute, du mal à comprendre pourquoi maintenant, après cette série de playoffs au premier tour. Mais bon. En tout cas, un qui fait son retour. Et oui, c'est surprenant. Alors, welcome back Julius Randle. Non, il ne revient pas encore jouer. Il est toujours en rééducation. Et même si on l'a vu au bout du banc des Knicks pour supporter les petits copains de l'équipe, non, son retour, c'est au niveau de CIA. Et oui, il avait quitté l'agence de Léon Rose au début de la saison régulière. Et il y revient à la fin de la saison régulière. Alors voilà, est-ce que c'est un move innocent ou pas? Est-ce que finalement ça annonce une prolongation et pourquoi pas faire profiter l'agence? Est-ce que ça annonce un trade? Ça serait un petit peu curieux de revenir à CIA pour après repartir d'Enix. Voilà, une petite news comme ça qui est passée un peu inaperçue. Mais en tout cas, il y a un retour de Julius Randle auprès de l'agence qui le représentait lors de son arrivée à New York et lors de son extension il y a quelque temps de ça. Donc, affaire à suivre Est-ce que sur. c'est pour mieux négocier sa prolongation de contrat, comme on sait que Sûrement, en peut-être, 2025 il est en 2025 il est libre? En tout cas, on sait qu'il y aura des décisions, des choix encore, comme à chaque été, à faire avec Julius. Il est toujours sur contrat, donc de toute façon, ce n'est pas un agent libre ou un agent libre restreint. Mais des questions vont se poser, surtout vis-à-vis du parcours. On aura l'occasion de revenir là-dessus plus en Oui, longueur quand on fera le sur débrief les de tout ça. conspirations. Là, pour l'instant, c'est une signature, c'est un petit move, un retour à CIA. À voir ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, la mauvaise nouvelle par contre qu'on a eue, bah, c'est l'absence pour blessure et la fin de saison. On la connaissait pour Julius Randle, mais maintenant aussi pour Bojan Bogdanovic, un des moves de la trade deadline effectué par Tom Thibodeau. Et ben voilà, les playoffs sont terminés pour lui. C'est dommage parce qu'il retrouvait un petit peu de sensation. Il pouvait rapporter du scoring. On l'a vu un petit peu lors de ce premier tour face aux Sixers. Et ben les playoffs sont terminés pour lui. Un contact un peu appuyé, une cheville qui tourne avec Nico Batum. Et fin de saison, cette fois-ci, on savait qu'il était attendu pour une opération au niveau du poignet. Bah, la cheville devra passer au passage, donc il fera pied, point, tête. Enfin, bref, on pourra avoir la totale. Un joueur pas tout jeune, ça pourrait lui causer des difficultés pour la suite de ses contrats à venir. Dommage, dommage, on est déjà sur des rotations courtes. On aurait pu Ouais. avoir utilité de Bojan. Bojan qui est passé par les Pacers, si je dis pas de bêtises non plus, plus tôt dans sa carrière. C'était une arme de plus en termes d'offensif. On a besoin de points des fois en sortie de banc. On l'a vu sur un match où il y a eu 0 points de scoré en sortie de banc par les Knicks. Une absence qui pourrait être préjudiciable et qu'on aura peut-être du mal à compenser parce qu'on n'a pas vraiment d'autres profils de ce type. On a Alec Burks, mais bon, ok, c'est censé être un scoreur. C'était censé être un scoreur. C'est pas tout à fait le même profil que Bojan Bogdanovic. Une absence qui pourrait coûter cher pour toi, l'absence de Bojan? Bah, disons que c'était quand même une force, notamment à 3 points, qui commençait, comme tu dis, à prendre un peu plus confiance dans ce rôle en sortie de banc. Et il nous a mis quelques beaux pétards. C'est un attaquant, hein, c'est un attaquant pur, hein, Boyana. Donc c'est vrai que ce profil-là était quand même intéressant. Bon, bah, écoute, blessé, ouais, il était déjà fragilisé du poignet. Ça, c'est pas arrangé. Ouais, c'est surtout. Quand on connaît nos problèmes entre guillemets de Attention. rotation quoi, hein, de rotation. Hein. Là, notre rotation est claire. Hein. On a Mitchell Robinson, Miles McBride et peut-être des fois Precious Achiuwa quand il y Juste. a des soucis de faute quoi. Mais un Alec Burks c'est quand même clairement sorti du système. Et après derrière on n'a plus personne. Après derrière on n'a plus personne. Tu vas pas faire jouer des. Je sais même plus les mecs. Je sais même plus c'est. Jeffries, Ah oui, voilà, Washington les. Junior ou le Jacob Shaq Toppoul, quoi, ouais. Milton, on a Shaq Milton. Ah oui, on l'a oublié déjà. On Il n'est a pas sur un Jericho profil. Sims. Ouais. Ah, voilà, tu vois, Dakan, Jeffries, bref, Diakité, je sais pas comment il s'appelle. Enfin bref, ouais, donc tu vois, enfin, notre banc, après, il manque clairement de Jacob Taupin. Non, mais c'est bon. Voilà. Compliqué, compliqué. Et c'est pas à ce moment-là de la saison qu'on va recruter, hein, clairement. Mais il va falloir serrer les dents et faire avec. Mais en tout cas, voilà, c'est une absence qui pénalise un peu plus les Knicks, qui avaient déjà une rotation qui était raccourcie. Elles sont toujours raccourcies en playoff. Elles sont raccourcies avec Tom Thibodeau, ça on le sait. Mais en tout cas, voilà, son absence risque d'être préjudiciable. On espère que ça le sera le moins possible. Bon, il y avait du beau monde quand même au Garden sur le Game 5. La semaine dernière, on avait au moins un match à jouer. Au pire, 3 s'il fallait pousser la série en 7. Le match 5 a permis de ramener les légendes de la maison. John Starks, il est là maintenant à tous les matchs. Ça va de soi. Il est Carmelo maintenant, il est Anthony, même là dans les trains. Il est même là il est dans même là dans les trains. Il fait les déplacements à Philadelphie. Il fait les partie de ceux qui viennent s'ambiancer à l'extérieur. On verra s'il aura l'occasion de se déplacer dans l'Indiana. Une terre qui lui a été, comment dire, un peu mouvementée, on le rappelle. Et voilà, on avait du très beau monde pour le match 5. C'était l'ambiance de fête qui était prévue, avec un Patrick Ewing qui était en grande Il était forme là, pour le ce match-là. pâtre. Il était là, il a Il l'avait ambiancé le sorti. public. Il l'a pressorti de la Et naphtaline. du coup, et ben on va parler de ce match 5. Le match 5 où les Knicks avaient l'occasion de plier la série. Ils étaient plus qu'à une marche près, plus qu'à une victoire près. Mais des fois, le plus dur, c'est de conclure. Et ce match-là, bah, comme Sur un tous les malentendu. matchs de la série, ou presque, a mal débuté pour les Knicks. Encore une fois, le premier quart-temps, les Knicks sont derrière. Encore une fois, le premier quart-temps, les Knicks se font distancer d'une petite dizaine de points. Je ne sais plus exactement à combien on arrive à la fin de ce 26-17. premier quart-temps. 26-17. Mais un premier quart-temps où peut-être que la pression, peut-être que l'envie de bien faire, peut-être que l'ambiance du public les a un peu, on va dire, crispés, je ne sais pas. J'essaye de trouver des excuses, des arguments à ce manque de réussite, On parce a que là, ça a été total, quoi. globalement sur cette série toujours mal commencé les matchs. Hein. Ouais, mais sur celui-ci, il y avait peut-être un côté un peu plus, je sais pas, ils serraient les fesses en début de match et ils n'étaient pas dans une... Un jeu qui était fluide où voilà, tout le monde shootait, personne scorait. Ça a été long avant de voir les premiers points. C'est Hartenstein qui met les premiers points de l'équipe. C'est quand même pas celui par lequel on pense tout de suite en premier comme option numéro 1 pour scorer, clairement. Mais voilà, bah, du coup, les Sixers en ont profité, ont fait leur petit écart comme à chaque fois en premier quart-temps. Et puis après, le second. Les choses se sont refluidifiées, peut-être que la pression est un peu retombée, les Knicks sont revenus dans le match. Qu'est-ce qu'on dit de ce match? Qu'est-ce qu'on dit de ce match? On peut parler de la fin de match, mais avant la fin de match, il s'est passé des choses. Ah. Ben, c'était un match ben Un enjeu, ça déjà c'est certain. en jeu. Encore une fois, j'ai trouvé Glo relativement quand même bien arbitré, même si on pourra parler d'une erreur. Bon, s'il faut 15 ralentis, 6 plans caméra pour arriver à remarquer une erreur une erreur ou un marché ou quoi que ce soit, c'est que c'était vraiment minime au niveau de l'aspect, quoi. Donc bon. J'ai trouvé que, bah après voilà, après c'était un match 6, un match 5, pardon, 5, 5. un match en jeu, un match où bah, les Philadelphia Sixers étaient Au dos du au mur. mur, il fallait absolument qu'ils réagissent. Et on a vu Embiid un peu caca culotte. Et Complètement. un Tyrese Maxey rayonnant, inarrêtable. Tyrese Maxey était fou, tellement en fait Bah il là où réussissait tout. Embiid Et était encore une fois questionable, comme sur tous les ouais, matchs mais de toute cette la série. série, il a Mais été sur celui-ci, il était particulièrement effacé. Alors particulièrement au final, questionnable. il va terminer avec un triple-double. Et c'est en ça où des fois on se dit, mais Ouais, bon, 19 points, 10 les passes, 16 rebonds. stats, le basket moderne, c'est un peu Et curieux. Parce que quand on regarde presque le match, quadruple, avec 9 pertes de balles. ouais, quand on regarde le match, il était à la rue totale, Ouais, quoi. En manque de ouais. rythme, freiné par les défenses adverses, et tant mieux. Pour le coup, on Le n'avait pas dernier cette quart. menace. Le dernier quart. Il était lourd, lent et voilà, pâteau. Mais Nombre de pertes parce de qu'il balles, comme était tu l'as dit. diminué, mais il était hyper diminué, hormis le game 3. Bon, il marque 50 points, mais le game 3, c'était vraiment un scandale. Ce game 3, c'était un scandale du début à la fin. Ah, de par Mais tu son regardes. jeu et sa Mais facilité tu à regardes obtenir après des derrière. lancers. Ouais, mais outre ça, il a eu des coups de sifflet assez conciliants des arbitres. Enfin bref, on va pas refaire le match, on en a parlé la semaine dernière. Mais sinon, ces fins de match, tu sentais Et que physiquement, quatrième il quart, il s'est pêchait passé, ouais. de ouf. Ouais. Ah ouais, non mais il arrivait à chaque fois sur les débuts de mi-temps, donc les 1 et les quart-temps 3, parce qu'il était un peu plus frais donc à jouer. Mais les fins de mi-temps, donc les quart-temps 2 et les quart-temps 4, et surtout les quart-temps 4, alors là, c'était... C'est passé. On le voyait plus. On le voyait plus. Il jouait poste haut pour distribuer le jeu. Il n'arrivait même plus à aller dans la peinture. S'il y allait, il se faisait cueillir. Enfin, Le ces combat derniers physique pour lui quart-temps... était, même Mais s'il a parce cette qu'après, on capacité à parle d'un dominer mec... ses adversaires, il Après, était on... rincé en fin de match à chaque fois, quoi. Ben ouais, mais après, on parle d'un mec qui a eu une grave blessure, qui est, comment dire, paralysé d'une moitié de Moitié du visage. visage, Enfin, non, mais tu ça aide t'imagines pas. quand même le type, enfin, toute l'étare qu'il a eu là pendant ce truc. Et malgré tout, il était sur le terrain, malgré tout. Alors, après, on peut le détester, hein, c'est que moi, je. Voilà. Mais On après, n'est pas les plus grands fans, mais il faut on peut reconnaître aussi qu'il a joué des saluer. gros temps de jeu et qu'il était dans un état diminué. Voilà, Et on peut quand même saluer le fait que. sur ce Mais je match-là, mettrais il pas est ça. effacé tout le long du match, tout de même, quand même, Mais hein. tu vois, je le mettrais pas parce que quand on disait beaucoup disaient choke bid, là il y a quand même des circonstances très particulières. Je veux dire, c'est pas, tu vois, c'est pas comme les autres Soyons années honnêtes, où. soyons honnêtes. Et là, il arrive. Déjà, il reprend. Il s'était arrêté quoi pendant 2 mois, 3 mois. Certains pensaient que sa fin de Bah, sinon, saison c'est était terminé, ouais. actée. Il arrive, il reprend à 1 semaine et demie, ça sauve les meubles un petit peu du côté des Sixers. Il est là en playoff, il a fait ce qu'il a pu, mais après derrière, voilà, après physiquement il en pouvait plus. Et puis après on l'a vu, notamment sur le game 4, on a vu que la tension était plus portée sur lui et il fallait l'attaquer. Il fallait l'attaquer, il fallait fatiguer le grand babar là au milieu. Pour que En ben soi, justement il finisse. le plan d'Enix a fonctionné et à l'usure, Eh on oui. les a eus, notamment ce Joel Embiid. C'était un casse-tête pour Thibodeau, parce qu'on n'avait pas forcément les joueurs pour le stopper, pour freiner Embiid. On Non. savait qu'il allait obtenir ses lancers et tout, qu'il allait avoir cette présence Mais au tu te dis rebond un de mec par le comme ça fait à qu'il soit plus 100% de ses grand et plus moyens. lourd. C'est compliqué. Donc, choke Embiid, non, parce qu'il n'était clairement pas à pleine possession de ses moyens. Sur ce match-là, il a été très effacé. Heureusement pour Philadelphie, mais tant pis pour les Knicks, que Philly va chercher ce match, parce que sinon, ça aurait fait Ben. une sortie de route Oh. plutôt très Ah ouais. dommage pour eux. Il finit avec une belle ligne de stats, mais clairement en faux semblant. Le patron de ce match, c'est clairement Tyrese Maxey, et c'est lui qui, en fin de Il match, était incroyable. va faire très mal aux Knicks. Alors il y a des erreurs, et ça là-dessus, on s'en est bouffé les doigts, parce que les Knicks ont fait le match parfait quasiment autrement. À savoir, oui, distancer, peut-être de la pression au début, et on démarre mal, mais on revient. À la mi-temps, on est en tête. Au début du quatrième quart, au début du Money Time, on est en tête. Les Knicks vont compter 6 points d'avance à quoi? 30 secondes, 28 secondes de la fin. Mais Ouais. voilà, c'est les playoffs, et les playoffs, il se passe des fois des choses anormales. Et pour qu'un match bascule, il Et faut un parfois lancer des franc événements raté de Josh anormaux. Hart. Il y a eu Un beaucoup de lancer lancers franc raté francs de Josh ratés. Hart. À une faute un peu stupide de Mitchell Robinson. Et ben Qui nous voilà en a pré prolongation quoi. coup? Cette faute, ok, on a ragé parce qu'on dit, mais Mitch, pourquoi tu te lèves à 3 points? Laisse-le au pire shooter. On a 6 points d'avance. Il en met 3, voilà, il restera encore une possession. Va pas faire faute dessus, lui donner une action à 4. On lui a donné une action à 4. Après coup, les arbitres ont fait leur fameuse review. Ils ont dit, bah oui, Ouais, mais effectivement, il y comme avait un c'est ce que je te marché de disais tout à Monsieur l'heure. Maxey. Ah, Ouais, tant mais. pis, c'est fait, quoi. Et puis, c'est pas que sur cette Non, action-là qu'on mais. perd. Moi, sur le coup, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, tu vois, en me disant, oh, punaise. Enfin, je veux dire, il a pas fait le marathon de New York, le type. Hein. Non, C'est un il se pied qui tremble, déplace. hein. Et... Enfin. Le punaise, c'est plutôt Mitch, pourquoi tu sautes, quoi? Pourquoi tu sautes? Pourquoi tu Voilà, sautes? oui. Pourquoi tu sautes? Pourquoi tu sautes pour aller contrer à 3 points? Et Oui, tu puis lèves les bras, tu après, vas le gêner, et ça sera suffisant, quoi. Tu te retrouves en overtime, tu sens que là, les Knicks ont pris un coup sur la carafe. Malgré Même le fait si... qu'on remène à nouveau de 5 points, Même si Omar essaye Brunson, tous les pouvoirs. voilà, va faire égaliser Mais aussi. Brunson a trop voulu être le. Enfin, Le héros. c'est le sentiment que j'ai eu, avec tout l'amour évidemment que j'ai pour lui, mais après, moi ça m'empêche pas de décortiquer un match, de. J'ai pas l'œillère d'un ultra. J'ai eu ce sentiment qu'il a voulu être un peu trop le héros du match. Il a tout pris, des tirs des fois même très compliqués, à se Ouais, dire, ça mais s'étire aussi. Jibi, c'est pas toi quoi là, c'est pas toi. Et c'est pas Bah, la perte de rentré. balle, la perte de balle sur l'action à la fin où il est défendu par Nicolas Batum et il veut décaler une fois qu'il est en haut pour Hartenstein qui est Et puis. parti au rebond en fait quoi. Tout simplement, il voit le Et shoot puis là, déclenché, puis va au rebond. là où je dis aussi que c'est une faillite entre guillemets collective, c'est après le 3 points du logo de Maxi qui les envoie en prolongation, il reste 8 secondes et Ouais. Thibodeau a deux temps morts. Il a deux temps morts, Thibodeau. Il Il ne les a prend voulu jouer dans pas. le flow du Ouais, mais match. Mais limite, il y a une action. Il y a une tu dois action de... remonter tout le Ouais. terrain en 8 secondes avec Batum. Sur Ça Brunson, peut avec Batum qui est quand même un gros s'entendre. défenseur. Ça Ouais, peut s'entendre et se moi je suis pas comprendre. fan de ça. Parce Ça marche que... rarement. Parce que des fois, dans le flow, la défense n'est pas repositionnée comme il faut. Alors Ouais, que mais si là, tu fais c'est un temps mort, bah, tu médiocre. as le temps à ce que justement les défenseurs adverses vont bien te On n'est boxer. pas une équipe de transition. On n'est pas une équipe Ceci de dit, transition. sur l'action, au final, Brunson a son tir main gauche. Après, il est contesté, il est Qui se fait contré ou plus contrer. ou moins contré par Batum qui est plus long. C'était Mais oui. un shoot compliqué. Bon, prolongation, et ben, arrivé en prolongation, il y a Ah, encore des prolongation, t'as erreurs. le momentum qui est passé. Hein. Et puis Philadelphie, voilà, qui y croit et qui va le chercher. Bravo à eux, ils Ouais. se sont sauvés d'à rien. Ah oui. Les Knicks nous ont donné beaucoup de regrets. Beaucoup de personnes au niveau de la fanbase des Knicks étaient déçues par ce match parce qu'on avait tout pour finir bien. Il y avait les Il y avait de anciens, il la y avait batte la quand belle même. ambiance. Et puis tu dis, ça te tend les bras, quoi. Ça te tend les bras quand tu mènes de 6 points Et à 30 surtout, secondes. c'est depuis Donc pas. 1999, on n'a pas fini une série à la maison, quoi. Eh oui, ça a été rappelé à Tom Thibodeau après coup. C'est dommage. Bon, il restait encore des balles de match. Y Et avait là, beaucoup justement. d'abattements hein, chez la fanbase. Beaucoup Ah! disaient, bon, je sais pas si après un scénario pareil, l'équipe va pouvoir se relever. Mais C'était cette en équipe ça, des on allait Knicks. voir la force morale de l'équipe. Est-ce qu'elle est capable de se Ouais. remobiliser, Ah sachant qu'il ben. restait deux balles de match, hein. C'était pas une, mais Moi, deux. c'était ce que je disais, hein. Je disais, si on n'est pas capable de se relever, c'est qu'on n'est pas destiné à aller loin. Si t'es pas capable de te relever d'un scénario pareil, c'est que finalement, en fait, tu n'es pas destiné à aller loin en playoff. Et finalement, Ça. bah, cette équipe a quelque chose en plus. À un supplément d'âme qu'on a pu voir au match suivant, clairement. Et là où on a eu un Tyrese Maxey qui est ressorti un petit peu grandi de ce match 5, de par avoir pris, on va dire, les rênes de son équipe, là où Joel Embiid les a abandonnés sur ce match 5, on s'est dit, bon, est-ce qu'il va surfer sur cette confiance, cette dynamique? Est-ce qu'il y aura des ajustements des coachs des uns ou des autres pour essayer de faire perdurer la série, pousser la série en 7 côté Philadelphie? Est-ce que les Knicks vont avoir pris un coup sur la tête et vont se dire, bon, ok, on va perdre à Philly, mais on va finir le boulot en 7 à la maison? Il y avait beaucoup de questionnements, on n'était pas serein au démarrage de ce match 6, et pour autant, même s'il y avait un peu plus de supporters philadelphiens, de Philadelphie plutôt, dans l'arène, et bien là, les Knicks nous ont montré une belle réaction à notre visage, et là, d'entrée de jeu, un premier quart où ils ont dominé. Et ça, c'était un Une peu fois n'est pas surprenant. coutume, on fait Et un comme quoi, beau coup. il faut des événements, il faut des ajustements dans une série. Et c'est ça aussi qui fait que c'est une belle série, que c'était une grande série. Nick Nurse, lui, nous a sorti un Buddy Hield du placard, du frigo. Ça a plutôt Alors, marché parce qu'il a été sans en... le sortir, quoi. Oh, il Il l'a nous l'a sorti et sorti, il a nous a été en fait mal, réussite, mais. le Buddy, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous l'a sorti, il nous fait mal, mais. Le carton 3, le carton 4, bah, il revient au fin carton 4. Il joue pas une minute dans le carton 3, alors que le Ça reste type nous détruit. un joueur du banc pour Bizarre, lui. cette. Ah ouais, non mais d'accord, mais bon, quand t'as un mec qui est aussi chaud, là, comme ça. Tu vois, par exemple, sur le game 1, McBride a été hyper chaud, Dante était pas dedans. Et ben Dante a eu beaucoup moins de minutes, je crois qu'il joue 9 ou 10 minutes, et c'est McBride qui fait quasiment tout qui fait la match, seconde parce que mi-temps. ben, Thibodeau s'aperçoit qu'il met tout. Et là, en fait, t'as un Buddy Hield, voilà, bon coup de En sa réussite, part à hein. Nurse Ouais. de le mettre. Il est chaud, il rentre tout. Et le type, il revient au fin quatrième quart. Le troisième, il le passe entièrement sur le banc. Ok, bon, Va pourquoi pas, comprendre le mais coaching de Nurse. ça nous a aidé, quoi. Ça nous a En tout aidé, cas, quand même. ça a permis aux Sixers de recoller et de repasser devant en seconde période. Les Knicks avaient très bien démarré, puis après, voilà, c'était un peu le coup de la panne côté Knicks. Bon, on le savait, ça allait être difficile de trouver des points en sortie de banc côté New York. Là, on n'avait plus un Maxi qui était aussi rayonnant, un Maxi qui était, Tharis Maxi qui était complètement transparent, alors bien défendu. C'est sûrement une Très bien explication défendu pourquoi, par de Teddy Mitchell. pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de scoring de sa part. On a eu un Embiid, bah là, qui a été du coup un peu en meilleur état de forme que sur le match 5. Et donc il y a eu bataille, il y a eu bataille, il y a eu bataille. On a eu un Jalen Brunson, bah, qui a fait du Jalen Brunson encore une fois, quoi. Qu'il joue à Philadelphie ou à New York, finalement tout ça c'est chez lui. Et il a porté l'équipe encore une fois une Brunson quarantaine qui de points. Un Jalen Brunson qui, d'ailleurs, ça a été relayé un peu. Il y a eu un parallèle sur la dernière possession du match 6 contre Miami l'année dernière et Ouais. du match 6 là contre les Philadelphia Sixers, où l'année dernière, voilà, il avait cherché un peu ce panier qui n'est pas arrivé alors que Hart était seul. Et là, cette fois-ci, il a sorti le ballon pour Hart, qui met ce 3 points salvateur, et après derrière on a pris le lead à 30 secondes de la fin, et c'était On l'a fini. plus lâché. Et à souligner aussi, parce que ben, c'est pas souvent que c'est vu en NBA, plus souvent vu en Europe, là cette fois-ci, on met le On a fait le 3, jeu des fautes. Ouais. et Maxi tout de suite faute, boum, pour l'envoyer sur la ligne, et nous Pour shooter à deux pour plutôt récupérer la que. possession. Et On pour a une l'empêcher partie de... qui. C'est pas rien. Non, C'est mais un... Qui s'est un peu c'était un éternisée bon sur coup. la fin. Mais effectivement, pas recommettre les erreurs qui ont été commises en fin de match 5. Il fallait sécuriser le match. Il fallait mieux le Ouais, jouer sur la ligne et lancer franc. parce qu'en plus, sur de l'enjeu comme ça, sur la ligne à 3 points, bah, c'est un penalty, quoi. Donc tu peux trembler un peu du poignet et pas le marquer. Toi, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas récupérer le ballon derrière. Et puis, il vaut mieux encaisser 2 points que 3. Donc, je veux dire, Clairement, c'était... clairement. Donc, non, Bon, non, cette fin de match était très... on notera aussi le magnifique poster dunk de OG Anunoby Oh, sur bon. Joel Embiid. Ouais. Pop, pop, pop, il nous a fait rêver le OG, hein, parce que laissé tout seul, et puis il se dit, bah vas-y, hein, la raquette, il n'y a personne qui monte, là, moi j'y vais, hein. Ouais, t'as vu, il a Embiid le ou pas ballon, Embiid. il se dit, je suis ouvert à 3, j'y vais, et il Bah oui. rentre, il met un Avec la tomard. faute, bon, il loupe le lancer franc, c'est dommage, mais en tout cas, voilà, ça Ah nous a ouais, non, fait mais plaisir de le revoir fond cette d'écran action. est magnifique. Secouer le cocotier. Ah ouais, ah Et il a pas eu parfait pour peur. Embiid, parfait pour Embiid pour la carte postale Et pour les Embiid qui vacances. finit, d'ailleurs, qui ne finit pas le match, puisqu'il finira à 6 fautes. Il ne Voilà, finira pas le comme match. quoi. Voilà. Et voilà, donc une victoire des Knicks acquise sur le terrain des Philadelphia Sixers. Et ben voilà, l'équipe avait du répondant, avait du caractère, a su finir le travail. On a évité cette fameuse prise de risque Ce 3 de Hart. d'un match 7 au Garden et ce panier à 3 points de Josh Hart qui est le panier de la délivrance aussi. Lui qui n'est pas, Lui, on le il dit. aura fait une série quoi de malade. Il aura fait Lui qui. une Et puis lui série, qui mais n'est alors. pas un shooter très sûr, même s'il a de très beaux Bah pourcentages sur non. cette série, à 3 points, et ben voilà, c'est un des visages de la série, de la qualification des Knicks. Encore une fois, un gros temps de jeu, encore une fois, une belle ligne de stats. Les Nova Boys ont répondu présent, ça fait plaisir. Et voilà, Tu on t'imagines quand était même beaucoup plus si. soulagés à l'issue de ce match 6. Tu Beaucoup t'imagines plus quand même soulagés. un Josh Hart? Un Josh Hart sur la saison régulière, d'accord? C'est donc un mec qui tourne à 9,4 de moyenne, 8 rebonds, 4 passes, d'accord? À 31% à 3 points. Voilà, voilà ses stats de saison régulière. Stats de role player, quoi. Oh, honnête, correct. En sortie de Playoff. banc, en partie du temps, même si. Playoff Hart, c'est 16,8, donc quasiment 17 points de moyenne, 12 rebonds. 4 passes, 43% à 3 points. Après, t'as pas évoqué le temps de jeu non plus, hein. T'as pas évoqué les Le temps nombres de de jeu, minutes de ouais. jeu. Ouais, on n'est pas. Oui, voilà. Bon, ok. Il est passé de 33 minutes Ce qui est à déjà pas mal. 46. À Ce qui est déjà 46. beaucoup, Ouais, hein. mais. Ouais. Bon, Bon, on en bah, il lui rigole, on en rajoute un rigole, quart d'heure quasiment. Ouais, tu lui rajoutes un c'est quart une d'heure, hein. production. C'est une production qui est très honorable, très intense, très présente des deux côtés du terrain. Ouais, mais tu vois, il joue plus et pourtant il est plus adroit. Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'il joue plus, mais il est plus adroit. Il a une bonne sélection de shoot en tout cas. Il a une bonne sélection de shoot pour le coup. Et là, sur les shoots qui font gagner, on en a eu au Game 1, on en a au Game 6. Merci Josh, merci Josh. Tu C'est pareil, tu regardes tout ça, mérites tu tous les regardes dollars de ton salaire. Brunson, en effet, donc en 35 minutes sur la saison, donc il tourne en 28 points, 6 passes à 40% à 3 points. Et là, pendant les playoffs, eh ben, il est à 35 points de moyenne, il est à 9 passes. Bon, à 3 points, ça chute un peu, il arrose un peu, il est à 30% à 3 points. Mais il est quasiment en double-double, hein. Il est en 35-10 quasiment. Eh oui, un Donc, des meilleurs sur. marqueurs, si ce n'est le meilleur marqueur des playoffs pour l'instant. Donc à voir si ça dure. Bon, tout ça pour dire qu'il faut quand même qu'on désigne un Nick of the Week. Alors Josh Hart, on l'a dit, il a été très bon partout. Mais comment désigner quelqu'un d'autre? Player of the Week, mais limite player of the series, que Jalen Brunson. C'est lui qui porte Bah, l'équipe, c'est lui le leader, c'est lui le franchise c'est lui qui player nous si fait on entend. gagner. Dans le sens où c'est le joueur, le mâle alpha de cette équipe, c'est l'option numéro 1 en attaque, c'est lui qui nous fait gagner, c'est lui qui finit la série en boulet de canon avec des pointes à plus de 40 points, c'est lui qui prend ses responsabilités, c'est lui qui fait des erreurs parfois, mais qui les assume, qui n'a pas peur d'en parler en conférence de presse et qui sait réagir. Il sait, il est en mission, il sait que voilà, ce premier tour, il était disputé. Que l'adversité était relevée en face, mais il sait que la série, la route n'est pas finie, le chemin n'est pas fini pour les Knicks dans ces playoffs, et on peut être sûr qu'on va pouvoir compter sur lui sur le second tour. Donc voilà, quoi d'autre choix que de faire un choix pour Jalen Brunson? Ça nous paraît évident, même si tous les autres Knicks ont répondu présent, ont réussi à se montrer. Que Ont ce eu soit leur. par des séquences courtes ou des séquences longues, voilà, Tous tous ont eu. méritent cette qualification. Et en tout cas, derrière ce leader qu'est Jalen Brunson, on espère que l'équipe va continuer d'aller le plus loin possible, en tout cas. Voilà. Donc c'est encore une fois notre Nick of the Week. On verra si la semaine prochaine ça change. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il y a un joueur qui va se révéler sur l'autre série. En tout cas, là, s'il fallait garder un joueur, c'est assurément Jalen Brunson pour ce premier tour. Ce premier tour est fini, on est content, on est soulagé. Elle nous aura donné du fil à retordre cette série, un peu de crispation et des débats à ne plus en finir avec les joueurs des Sixers. Tyrese Maxey sera peut-être celui côté Sixers qui sera ressorti, grandi de cette série. Joel Embiid, pas certain. Tobias Harris, c'est sûr que non. Kelly Oubre, qui était moi mon facteur X, bah finalement pas tellement hein, côté Sixers. Il aura eu quelques flashs. Toi, c'était Nicolas Batum. Il aura eu quelques flashs défensifs, mais pas suffisamment pour freiner Jalen Brunson. Mon facteur X côté Knicks, c'était Dante DiVincenzo. Bah, il nous a soufflé le chaud et le froid. À voir s'il retrouve un petit peu plus de régularité sur la série qui s'annonce. Toi, ton facteur X côté Knicks, c'était Josh Hart. Josh Hart. Je pense que c'était une bonne pioche pour le coup. Je pense que c'était une Je bonne crois pioche aussi. pour le coup. Je crois aussi. Allez, la série face aux Sixers est terminée. C'était une belle série. Il est temps de se projeter sur la nouvelle série. Eh oui. Allez, on regarde tout de suite ce qui se présente maintenant au programme des Knicks et au programme de cette semaine. C'est parti. Et oui, une série de terminée, on en a parlé, une série accrochée, un seul petit point d'écart entre les Sixers Incroyable. et les, Cel et les Celtics. Et les Knicks? Pourquoi je parle des Celtics, moi? C'est plus Et tard, ça toi, sera tu pour spoil le... là, tu spoil. Oh la vache. On était encore qu'au milieu du film là, tu nous racontes la fin. Mais si, j'ai parlé de Dolan qui récupère le Rio Bryant. Bon, bref. Donc voilà, donc déjà pas mal de crédits qui ont été apportés aux Knicks. Certains disent que Jalen Brunson, c'est le meilleur Knicks de all time. Oh là là, calmons-nous, calmons-nous. Oui, oh là là. Certains vont même nous parler de meilleur Knicks depuis Wolf L'histoire des Knicks Rosier. est Bon, quand même riche, hein. chat, Charles Oakley, il est encore un petit peu fâché contre Pat. Voilà, donc là, cette série, elle est terminée, finito. Les stats, on les met un petit peu au placard pour l'instant et on va se projeter sur cette nouvelle série. Nouvelle série, on vous le rappelle, qui va commencer aussi avec un événement associatif au match 4, la viewing party de dimanche. N'oubliez pas, je veux vous voir nombreuses et nombreux pour remplir ce hideout. On a un calendrier cette semaine qui se constitue de donc 4 matchs, parce que oui, la semaine, elle se termine le dimanche, elle va se terminer avec un match 4. Donc ça veut dire qu'on en a 3 au programme de cette semaine, ça va nous faire une semaine plutôt dense. Les Knicks ont pu souffler un petit peu. Les Pacers aussi, puisque chacune de ces deux équipes s'est qualifiée à base de 4-2, dans des contextes et dans des scénarios différents. Les Knicks cette semaine débutent pas plus tard que ce soir, dans la nuit de lundi à mardi, ce match 1 au Madison Square Garden. Il va falloir tout de suite se remettre à jouer au basket, et avec une adversité qui va être différente, on va en parler. On parle juste du calendrier. Derrière, ça sera dans la nuit de mercredi à jeudi que le match 2 se poursuivra à New York. Et puis, la série va basculer dans la nuit de vendredi à samedi dans l'Indiana. Puis, le match dimanche soir pour nous, Français, à 21h30, mais donc plutôt en début d'après-midi pour nos amis américains dans l'Indiana. Donc, ça fera une série déjà de 4 matchs cette semaine. À voir si on va plus loin que 4 matchs. Ça serait surprenant que les Pacers ne soient pas plus accrocheurs, parce que cette saison, hein, les Pacers, ils ont plutôt l'avantage face aux Knicks. Les Knicks et les Pacers se sont affrontés 3 fois, et les Pacers ont remporté 2 de ces 3 confrontations. Oui. La première à Indiana, sur ce parquet un petit peu bizarre, leur parquet City Edition, un peu grisaille, je ne suis pas très fan, je ne sais pas s'ils auront l'occasion de le ressortir, en tout cas je trouve que ça passe pas super super bien à l'écran. Les Pacers qui ont un jeu offensif et d'entrée de jeu sur cette première confrontation de saison régulière, on l'a vu que c'était une équipe offensive. Tu nous parles un petit peu de ce premier match de régulière dans laquelle on avait vu ces deux équipes s'affronter. C'était le dernier match de l'année. C'était le match, du de l'année civile. Ouais. Ouais. Donc dernier match de l'année 2023. C'était le match post-trade OG Anunoby. Donc il manquait des joueurs côté New York. Ouais. On n'avait pas IQ et puis on n'avait pas encore OG. Donc évidemment on avait une équipe diminuée. Et eux étaient en pleine bourre avec un Haliburton qui marchait sur l'eau. D'ailleurs, Haliburton nous avait sorti un match à 22 points, 23 passes. Donc, rythme assez rapide. Nous, bah, évidemment, moins de monde sur le parquet, ou en tout cas, moins de qualité à envoyer. On avait perdu ce match 140 à 126. 140. On avait eu un Turner à 28 points et un Aaron Naismith à 25 points. Donc voilà, donc c'était un match où ben oui, on avait encore Jubus qui était là, on avait évidemment Doté, Josh Hart, mais ça, on n'avait pas pesé plus que ça dans cette défaite où on s'était fait ouvrir quoi. C'était fait laminer. Alors il n'y avait pas de Pascal Siakam, hein, le trade n'était pas encore effectué côté Raptors Pacers, hein, les Raptors qui ont fait beaucoup de moves cette saison, hein, on le rappelle, mais voilà, les Pacers, c'est la première version des Pacers, on va dire. Et puis, il y a eu un second match un peu plus tard dans la saison. Donc là, le second match, c'était à New York. Ça a un peu plus souri à New York, aux New Yorkais, pour le coup. Tu nous en parles un petit peu, ce second match? Ben là, Madison Square Garden. Ce match est arrivé plus tard, est arrivé un mois plus tard, donc le 2 février. Une victoire, 109-105. Après, ce match a la particularité que c'est... les débuts des blessures de Julius Randle, d'OG Anunoby, on n'avait pas non plus Mitchell Robinson, donc voilà. On avait eu un Jalen Brunson de gala, 40 points, une victoire, 109-105, en face, voilà, un petit Haliburton. Ouais. Haliburton n'avait pas joué toute la rencontre, il était de retour de blessure, et puis pour éviter ces fameuses histoires de quota de matchs joués, il avait joué que la première mi-temps. Voilà, c'était une sorte de load management. Ouais. Il avait joué 22 minutes. Il avait juste fait les minima. 22 minutes, 15 points. Un match un peu aussi en faux semblant. Il y avait un buddy heal encore chez eux. Et Siakam est arrivé. Siakam était là. Et Siakam était là. Siakam avait marqué 18 points. Aaron Naismith avait marqué 17 points. Et nous, voilà, nous on avait donc un Jalen Brunson à 15 sur 30 au shoot. 1 sur 6 à 3 points, mais 15 sur 30 au shoot. On avait eu donc une belle paire à Chua Hartenstein qui était présent et qui avait fait donc le taf, avec chacun 12 points, 16 rebonds pour un et 19 rebonds pour l'autre. Donc, mais ça, les robots, on va en reparler. Ils Mmh. sont sûrement un facteur important dans cette série. Un Josh Hart aussi, à 5 points et 12 rebonds. voilà. Et un Miles McBride qui avait bien tiré son épingle du jeu aussi. Donc, on gagne sur le fil. 105-109. Voilà. Donc, deuxième match accroché contre nos amis des Pacers, quoi. Et le troisième, c'était toujours à New York. Si je dis pas de bêtises. Oui, ça, c'était toujours à New York. Là, on avait pu profiter, on va dire, des arrivées de Alec Burks, des arrivées de Bojan Bogdanovic. Mais on en a profité. Ça n'a pas forcément été un succès, ce match. C'est une défaite Non, encore face non, non, aux non. Pacers. Et Ben, des tu as Pacers qui ont scoré toujours beaucoup encore, hein. des Pacers qui ont scoré beaucoup, puisque le match finit quand même à 125-111. Tu as, ben voilà, hein, encore une fois, donc on a toujours pareil, hein, OG qui n'était pas là, Julius qui n'était pas là, et Mitch qui n'était pas là. On avait également un Hartenstein qui était un peu blessé, puisque c'était Taj Gibson qui avait débuté le match. Ce Oh, bon vieux Taj était là. rappelons-nous de Tâche. Toi aussi, Tu t'auras droit à ta vois? bague, Tâche. T'auras droit à ta bague. Donc voilà. Je pense que c'est le dernier gros match d'Alec Burks en sortie de banc. 22 minutes, 22 points. Il avait été incroyable. Mais voilà, tu le perds 125-111 en face à un Liberton en 22-12. Tu avais un Turner en 23 points, 8 rebonds. Un Rodney Smith en 13 points. Un Pascal Siakam à 19 points. Mais un peu maladroit à 2 sur 6 à 3 points. Mais voilà, quand ça score gros, quand ça va vite, les Pacers portent bien leur nom, et ben ils nous surclassent. Effectivement, c'est une équipe qui aime jouer up-tempo, qui aime jouer avec beaucoup de points, un gros volume de points, et une marque plutôt répartie, hein. Il y a des noms qui sont revenus dans tout ce qu'on a dit sur ces trois rencontres. Il n'y a pas forcément une domination d'Haliburton en termes de scoring. Par contre, en Non? termes de passing game, monsieur fait croquer les copains C'est et ça. ça marche plutôt bien. Donc on est sur une équipe, sur un style de jeu qui va être totalement différent de ce qu'on a pu avoir comme première confrontation face aux Sixers. Aux Sixers, on connaissait l'option numéro 1 et la dangerosité que pouvait incarner Joel Embiid dans le cœur de la raquette, avec forcément les difficultés et le casse-tête que ça pouvait représenter pour Tom Thibodeau et ses joueurs de venir freiner un Joel Embiid dominant. Là, on est sur un ballon qui circule, qui joue vite, qui bouge vite. Et des menaces offensives qui peuvent venir un petit peu de partout, avec des shooters, avec des joueurs du banc, à la TJ McConnell, qui sont toujours capables de faire quelques petits coups de vicelard et nous mettre des points quand on les voit pas venir. Ça va être une série totalement différente, dans un registre totalement différent. On va plutôt être dans une opposition de style, avec des Knicks qui jouent la défense face à des Pacers qui jouent l'attaque. Qui va s'en sortir gagnant dans tout ça? En régulière, on l'a dit, on l'a vu, il y a eu des confrontations, mais est-ce qu'elles sont à l'image de ce qu'on va avoir là en saison, en post-season, en playoff? Pas certain. On n'a pas non plus les mêmes forces en présence de part et d'autre, enfin du moins du côté des Knicks. On va pouvoir compter sur la présence d'intérieur comme Mitchell Robinson qui a fait défaut et qui a peut-être laissé aussi le champ libre à certains joueurs pour la pénétration dans la raquette. Donc on verra tout ça. Mais en tout cas, ça s'annonce une série complètement différente de ce qu'on a pu avoir Mais face aux Sixers. Même s'il y a un point fort au poste 1, Tyrese Maxey, Haliburton, c'est deux beaux All-Stars de la conférence Est en compagnie de toujours Jalen différent, Brunson sur ce poste. Mais complètement des registres différent. différents. Des Ouais, registres différents, un beaucoup plus plus passeur pour Haliburton. ouais, Et puis et un un shoot de Haliburton loin beaucoup plus. qui part de très loin parfois Son aussi, shoot quoi. bizarre de Spécial. loin, mais qui passe. Et beaucoup plus passeur face à un Maxi plus slasher. Peut-être moins meneur, Tyrese Maxi. Maintenant, voilà, donc derrière, j'ai entendu dire, oui, il faut que la défense des Knicks s'adapte au jeu au large, notamment de Turner. Mais Embiid joue déjà au large. Embiid joue déjà au large. Alors oui, Embiid est complet partout, à l'intérieur et à 3 points. D'ailleurs, Miles Là-dessus, Turner, ouais, est-ce ok, qu'un Embiid il diminué, c'est meilleur qu'un Turner en pleine possession de ses moyens? Je sais Oh, pas, je sais en pas. tout cas, vous la Le montrez, jeu hein. reposait plus sur Embiid en tout cas qu'il ne va reposer sur Turner. Turner aura ses C'est tickets ça. shoot, aura sa Après, capacité aussi si. à jouer à l'intérieur et à mettre des contres, mais voilà, on est quand même sur un joueur qui est Après, dans un si tu calibre regardes. en dessous quand même. Si tu regardes au niveau de leur forme, aux Indiana Pacers, donc on a quand même pour l'instant un Tyrese Haliburton qui est pas aussi rayonnant qu'il pouvait être pour la saison régulière. C'est-à-dire qu'à Haliburton, en saison régulière, c'est 20 points, 10 passes, bon, quasiment 11 à 10,9, on va... Allez, C'est le j'arrondis meilleur à passeur de 11, la ligue. à 36 points, à 36% à 3 points. Donc on a quand même quelqu'un, tu vois. Et actuellement, donc en playoff, il est à 16 points, en 9 passes. Et à 29% à 3 points. Donc on est quand même sur, pour l'instant en tout cas, hein, face, je le rappelle, face à des, ils ont affronté des Milwaukee Bucks sans Giannis et la Diminué, fin de la ouais. série sans Lillard. Et Giannis n'était pas là, il a tout manqué. Et Oui, les Lillard, Bucks lui, il a diminués, joué. donc ils en ont profité. Ouais. Et on a un Tyrese Max et on a un Tyrese Haliburton qui, ben pour l'instant, en tout cas, j'espère qu'il touche du bois, qu'il va pas se réveiller. Mais qui pour l'instant en tout cas fait pas des playoffs de fou, de dingo quoi. Ça Là où suffit on a pour un qualifier Pascal son équipe. Siakam qui montait en régime par rapport à la saison régulière, là où on a également un Miles Turner qui montait en régime par rapport à la saison régulière. Un Miles Turner est à 19 points, 7 rebonds, 43% à 3 points. En saison régulière, il était à 17 points, 6 rebonds et 35% à 3 points. Donc tu vois, il a lui aussi, hein, il a monté son niveau de jeu. Mais Tyrese Haliburton en playoff, pour l'instant, en tout cas, c'est décevant, quoi. C'est décevant. Décevant, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est pas au niveau Il des perd quand même. stats qu'il pouvait Il perd produire une en passe. régulière. Il perd une passe, il perd 3 points et il perd 7%. 7 points à 3 points, quoi. Donc il a pour le coup lui il a carrément ses stats qui ont chuté par rapport au playoff. Et je le répète, Oui, face à mais... ils ont affronté des Bucks qui étaient moins forts. Ah oui, non, Et non, mais qui, il l'a depuis le pas volé, départ de il Jrue Holiday, a n'ont pas cette présence pas. Je... défensive au poste 1, on est Faut pas d'accord. dire que... On peut pas dire que son niveau de jeu est augmenté. Les stats parlent d'elles-mêmes. Il passe de 20 points à 17 points. Après, il a peut-être délesté cette production auprès de ses C'est lui le teammates patron ou qui, eux, c'est en pas lui le profitent. patron des Pacers? Ah, bah, je ne sais pas, moi je suis pas... Je ne suis pas les Pacers. D'ailleurs, qui est le meilleur marqueur des Pacers face aux Knicks en Siakam. saison Ah. régulière? Ben, écoute, Parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off. On a eu un Ronnie Smith qui était pas mal. Lui, bon, comme tu as dit, il était blessé. Et puis après, on a eu aussi un Miles Turner. Donc voilà, on a cette répartition des points qui sont là. Ney Smith a quasiment 20 points de moyenne contre les Knicks. Attention, c'est un bon défenseur, lui. Un bon défenseur, un joueur au large. Mais ce qu'on peut dire, c'est que je pense quand même que les Pacers, surtout, n'ont pas Bennedict Mathurin. Et ça va leur préjudiciable. Parce que ben, c'est quand même un mec qui, en sortant du banc, ben, leur a fait bien du bien. Hein. Il est sophomore, je crois. Et moi, je sais qu'en tout cas, je l'aimais beaucoup hein, sur sa période, Sa saison rookie. sur sa saison rookie. Enfin, c'était vraiment un gars, le Canadien, très très bon. Donc, pas de Ben Mathurin. Après, voilà, en sortie de banc, ils ont un Topin. Ils ont un TJ McConnell. Ça, ce sont des joueurs qui soufflent le chaud et le froid, comme tu as dit tout à l'heure pour Dante. C'est-à-dire que ben, tu vas avoir des matchs où les mecs, ils vont être on fire, tout va rentrer, ça va être du Curry Time ou du Amar'e Stoudamire, quoi. Et puis le match suivant, bon ben voilà, on va être sur du calibre de leur niveau, quoi. Donc voilà. Après nous, est-ce que vraiment on a du banc? Est-ce que c'est vraiment là que ça va se jouer la différence sur le banc? Je sais pas. Voilà, ça va. En tout cas, ce sont deux équipes au profil totalement différent. On a des Pacers qui aiment jouer vite, qui aiment dégainer rapidement, et on a des Knicks qui aiment poser le jeu et qui aiment justement contrôler le tempo de match. Donc, à voir qui va prendre l'ascendant sur cette série, qui va imposer à l'autre Son rythme et son son. style de jeu. Voilà, son style de jeu, exactement. On n'en a pas parlé, mais on a Après. aussi sur le banc un coach qui est plutôt réputé en la personne de Rick Carlisle, qui a joué aux Knicks il y a un bon paquet d'années. Il a Donc joué ça va être une un duel saison. aussi intéressant face à Tom Thibodeau. Hein. Non pas que Nick Nurse n'était pas un coach expérimenté, mais Rick Carlisle, on parle quand même d'un coach champion NBA. On parle d'un coach qui a quand même de nombreuses saisons dans les pattes, aux Pacers certes, mais aussi à Dallas Au auparavant, Maverick. qui a Oui, et qui a coaché, en l'occurrence, un certain Jalen Brunson. Donc il y a des retrouvailles un petit peu partout dans cette série. Bien sûr, il y a les retrouvailles entre Siakam et OG Anunoby et Precious Achiuwa. Donc voilà, il y a des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui se sont peut-être plus ou moins défiés lors d'entraînement. Donc qui va défendre sur qui? Ça va être aussi des éléments à Haliburton, regarder. comme il a dit, qui a créé plus ou moins des liens, hein, avec Jalen Brunson et Josh Hart par rapport à Team Lors USA. de Team USA. Donc effectivement, ça va être une série intéressante. Elle part moins sur des bases, on va dire, de trash talking, un petit peu de combat de boxe, comme on a pu l'avoir avec un Embiid ou un Paul Reed qui disait avant la série face aux Knicks que c'était une adversité qu'il préférait. Là maintenant, je pense que les Knicks sont pas mécontents de rencontrer les Pacers. Les Pacers sont pas mécontents de rencontrer les Knicks après eux s'être débarrassés des Bucks diminués. Est-ce que ils ont profité justement de cette baisse d'état de forme des Bucks pour passer tranquillement, ou est-ce que c'est une équipe qui, au contraire, est à un niveau qu'il faut plus que respecter mais se méfier? Est-ce que le jeu d'attaque en playoff va leur permettre d'aller très loin? On est aussi sur une équipe qui n'a pas l'expérience, même si on a du Siakam, certes, mais une expérience collective de longues campagnes de playoff. Haliburton, c'est ses premiers playoffs, hein, il n'en a pas disputé la saison dernière. À Sacramento, bah non, puisqu'il était, il avait basculé à Indiana. Donc voilà, oui, une série, pourquoi pas, mais aller plus Je vais te loin, donner une stat. Je vais te donner une stat. la jeunesse de l'effectif peut jouer en défaveur d'Indiana, même s'ils ont emmagasiné l'expérience face aux Bucks. Les Pacers, quand ils marquent moins de 100 points dans un match, perdent. En tout cas en playoff. Après, C'est-à-dire que le plus dur, c'est d'arriver à les tenir sous leurs cette deux barre, quoi. défaites, c'est 109-94 et 115-92. Leur victoire, 125-108, 121-118, 126-113 et 120-98. Ça score, ça va, ça attaque, ça Ça score dégaine de beaucoup. partout. Est-ce que la Ça dégaine défense de partout. Mais new-yorkaise ça prend va des points. réussir à tenir le choc? Mais ça prend des C'est points. ça. Il faut voir que cette saison, la moyenne de points de Jalen Brunson contre les Pacers, c'est 35 points. Pas mal, pas mal. 35 points. Dante a marqué, lui, une moyenne de 24 points contre eux et Josh Hart, 6. Mais il a pris 10 rebonds de moyenne sur les 3 matchs contre eux. Et justement, Bon, ça. En Parle-nous parlant des des rebonds, rebonds. en parlant des rebonds, moi je pense que la clé de la série va être là. La clé de la série va être là. Et on a quand même un effectif. Justement, notre qualité principale, c'est les rebonds. Un Mitchell Bah, entre un Robinson, Josh Hart, c'est un un super Robinson, même rebondeur. un Un Hartenstein. Josh Hart monstrueux, un Hartenstein qui n'hésite pas à foncer dans le tas et à arracher des rebonds. Si on doit également, parce que ça a été posé comme question, est-ce que la rotation va rester à 7 ou elle va être plus élargie? Et Tom Thibodeau a dit, on peut l'envisager. Donc peut-être qu'on a un Precious Achiuwa. Éventuellement, allez. Mais ça serait bon ton Donc on a peut-être. d'élargir cette rotation. Non pas qu'il y ait besoin de multiplier les rotations, mais peut-être qu'on aura plus l'occasion de voir un Precious Achiuwa en combinaison d'un Hartenstein ou d'un Mitchell Robinson, parce qu'on n'aura pas cette problématique qu'on avait face aux Sixers de devoir tenir Embiid. Voilà, là, l'adversité étant différente, Achiuwa, il y a une certaine mobilité. On l'a vu, il a pu jouer au poste 4 aussi. On le sait, Bojan Bogdanovic, on ne pourra pas compter sur lui. Et Hart, 45, 46 minutes par soir, ça va être de plus en plus compliqué. Au bout d'un moment, on va le cramer. En régulière, ça peut passer. En début de playoff, pourquoi pas. Mais il va falloir lui faire retrouver un petit peu de lucidité, le faire souffler. Et Disons que par séquence, je sais que beaucoup ne sont mettre pas forcément un. chauds, mais disons que par séquence, tu peux décaler un OG en 3, parce que pour l'instant il joue 4, et faire rentrer un Precious en 4, Un Precious face pour à un justement. Siakam ou un Precious face à un Ouais, Obi-Toppin, mais c'est un bon ça doit défenseur, hein, c'est un pouvoir mec. se faire, quoi. Tu lui donnes 10 minutes par match, je te dis pas que c'est des séquences de 20 minutes, mais Mais s'il performe et tout, tu le laisses sur le terrain. Et oui, effectivement, il doit pouvoir trouver son temps de jeu, un peu plus de temps de jeu, là, sur cette série, parce qu'on n'a pas la même adversité qu'on ne l'avait face aux Sixers, quoi. Et Donc. le contrôle du rebond sera le facteur déterminant de cette série. Et je Bah, pense que c'est la la bataille du force rebond des Knicks. et une faiblesse des Pacers. sera gagné par les Knicks. Et justement, et je pense que ça, c'est encore une fois, c'est comme mon avis. Mais si justement cette bataille du rebond est gagnée, c'est la meilleure façon d'imposer le rythme qu'on va donner au match. Forcément, le ballon sera plus dans nos mains. Donc, Attention aussi, ben... les fameuses luttes pour les rebonds offensifs et le repli qui ne se fait pas derrière, ça va vite côté Pacers. La défense va être mise à rude épreuve parce que là, on est sur une opposition de style, clairement. Il est entre guillemets plus facile de jouer et de défendre sur jeu posé parce que voilà, les défenses ont le Mais temps de t'es sûr s'installer que... que sur un temps de jeu un repli rapide. En ça aussi, On va en qui va bouffer des défendre points sur en transition, hein, Haliburton? de... Qui va défendre sur Haliburton? Mike Bride pourrait Ouais. avoir sa carte à jouer aussi. Art. Art ou Hart. Donté. On l'a vu sur... On l'a vu contre les Pacers. On met pas JB contre Pacers, t'as vu, en phase offensive, il Contre défendait les contre Sixers, tu les voulais lits, dire. hein. Contre les Contre les Sixers, pardon. Il Sixers, défendait oui. contre l'ailier Brunson. Hein. On l'a Ouais. vu soit sur du Batum ou sur du Oubre, mais en aucun cas il prenait Maxi. Hein. Ou alors c'était lorsqu'il Non. switchait sur les écrans. Mais sinon, c'était toujours soit du Donté ou du Hart ou du Juice quand il sortait. Là, je pense que ça va être la même. Je pense qu'on va lui mettre nos meilleurs défenseurs extérieurs, qui sont, pour moi, ça sera Josh Hart, qui sera sur lui, quoi. Ou un Donté qui sera sur lui. Je pense que les deux vont s'alterner sur Haliburton. Et on aura un JB justement sur Aaron Nesmith, quoi. Donc derrière, après nos intérieurs, moi je. Ouais, Siakam est bon, mais il va se retrouver confronté à OG Anunoby. Donc Ouais. Qui a pas à bah, rougir, par c'est un pas cadeau, hein. Hartenstein qui a pas à rougir, un Precious pourquoi Et pas, qui a pas Hartenstein à rougir. qui va affronter Turner. Ouais, comme tu dis, après voilà, ça va être sur les postes extérieurs. Si tu arrives à canasser un peu Haliburton et à les battre sur la bataille du rebond, déjà tu auras fait un grand pas vers les victoires. Déjà tu auras fait un grand pas vers les victoires. Bon, on va se projeter doucement mais sûrement vers Et nos notre histoires défense, de. et je pense que quand même la défense de Indiana, sans leur faire offense, hein, est quand même moins forte. La pression sera moins élevée que ce qu'on a pu voir contre les Sixers, où leur défense tout terrain, à base de Lowry, à base de Batum, De à base de Oubre Oubre, Batum. même si Tobias offensivement n'a pas été bon, mais défensivement, il était quand même présent. Ouais. Je veux dire, ils ont envoyé quand même du monde, ils ont une défense quand même très élevée. À l'intérieur, ben, il fallait y aller aussi, hein, parce que quand tu avais Embiid, même s'il était sur une jambe, et ben, les contres, il les posait. Donc, je pense quand même que leur défense est quand même moins élevée. Ça va nous permettre, en tout cas, de pouvoir plus facilement développer notre jeu d'attaque. Je te dis, voilà, pour moi, on contrôle le rebond. Et si on a un Haliburton qui garde ce niveau-là, c'est-à-dire à 26% à 3 points, à 17 points, 9 passes. Si on arrive Ça à lui doit faire passer, ça doit conserver, passer. si on arrive à lui faire conserver ce niveau de jeu. Alors ça doit passer. Bon, on a vu les quelques premières déclarations d'Haliburton. Alors j'avoue, j'ai pas retrouvé la source exacte, mais qui semblait ne pas craindre la foudre et la foule du MSG. Ça, on verra. Il y avait eu quelques petites prises de bec avec Wally Cherbiak, le commentateur de Ouais. MSG Network, qui avait remis en cause sa légitimité, entre guillemets, de All-Star la saison dernière. Pas cette saison, mais la saison dernière. Bon, c'était plus vis-à-vis de la non-sélection de Jalen Brunson. Mais voilà. Et puis, on a vu le compte, tout simplement, des Pacers, qui nous a ressorti quelques petites images vintage du choke sign de Reggie Miller. Souvenez-vous, en 94, Reggie Miller qui fanfaronne. Reggie Miller qui se prend de bec avec Spike Lee. Mais Reggie Miller qui, finalement, ne passe pas la série. C'est les Knicks qui se sont qualifiés cette fois-là. Et puis, en 2013, on s'en souvient encore. Les Knicks avaient enfin passé un tour. On avait des espoirs avec la bande à Melo. Et finalement, c'est Roy Hibbert qui va scotcher Melo au dunk et qui va faire que la série se termine en 4-2. Donc espérons ne pas revivre de mauvais souvenirs. Que Ah les ben joueurs si on doit faire fanfaronnent, pourquoi pas. Mais s'il y a une qualification au bout des Knicks, moi, ça me va. Ça me va. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est quand même sur une rivalité Historique, réelle. certes récente mais intense, qui a surtout été dans les années 90, au temps où les Knicks rayonnaient et chaque année allaient en playoff et au minimum c'était demi de conf. Pendant cette décennie-là, on va quand même deux fois en finale NBA. Des rencontres récurrentes contre les Bulls, contre le Heat et aussi et surtout contre les Pacers. On les a rencontrés, donc si on part de 90 à 2000, donc sur l'entièreté de la décennie, on les a rencontrés quand même en 10 ans, on les a rencontrés 6 fois. Donc c'est quand même assez élevé hein, comme pourcentage de rencontres. On a en 93, donc première, on les gagne. Donc c'était au meilleur à l'époque, au meilleur Les cinq. des 5 matchs. On les gagne 3-1 au premier tour. En 94, on les affronte en finale de conf. 94, ça doit parler, on va en finale NBA contre Houston. On les bat 4 à 3. On les bat 4 à 3 et donc c'est là ce que tu dis, donc le shock sign de Reggie Miller. Donc c'était quoi? C'est 7 points Non, en ça c'est 13 secondes. 95. Ça c'est 95. Ça c'est Ouais, 95. ouais, Mais en ouais. 94, il y a des grosses perfs de Reggie Miller. Il y Oui. a le clash avec Spike Lee en bord de terrain. Il y a le match que les Knicks vont gagner à Indiana aussi dans une ambiance de feu. Et une série qui se pousse donc en 7 matchs. Et une victoire qui se dessine avec une claquette dunk de Patrick Ewing sur un driving de fond d'un certain John Starks qui vient boucler la série et qualifier les Knicks pour des playoffs. Et je crois d'ailleurs qu'en Pour les playoffs, pour les 94, NBA Finals. il sort un match Ewing à 22 points, 24 rebonds. Je crois que c'est ça le match 7. Je crois qu'il Oui, sort. un match, Non, des matchs énormes. c'est un match mammouth des Ewing. Donc ensuite en 95, bon voilà, donc on perd en demi de conf contre 4-3. Tu en as Et fait c'est là où il y a la référence. fameuse crise de Shaw où il va nous mettre 7 ou 9 points là en très très peu de temps avec des erreurs Cette perte de à droite à balle, gauche de ouais, cette Mason, des remise en lancers francs jeu. loupés de Starks. Bon, des fois ça arrive. En NBA, il se passe des fois des choses improbables. En 98, on repère contre eux à nouveau en demi de conf. Et on perd 4-1. Pas photo. Bisous. C'est eux qui iront défier les Bulls de Jordan en finale Voilà. de fameuse Last De Dance. conférence. Et puis 99. En 99, 4 à 2. Alors là, on a le fameux 4, 3 plus 1 de Larry Johnson. Exactement. Ouais, le Big Avec L. cette faute d'Antonio Davis à la fin. Et puis je crois que c'est le lendemain, enfin, le match d'après ou le surmatch d'après, on a un match mammouthesque aussi de Contre Alan Houston. Wilson pour le jour de la fête des pères, je crois, après la naissance de son fils, qui sort un match de fou, qui éteint complètement Reggie Miller. Et il finit le match en étant chaud comme la braise. Donc on les gagne 4 à 2. Et puis cette année-là, on va en finale NBA. Bon, on perd contre les Spurs. En 2000, et là on est sur la fin, on est sur la fin. Dernière série de Patrick Ewing en Knicks. En 2000, donc on perd 4 à 2 en finale de conf contre eux. Donc là, cette fois-ci, ça sent la fin. Et la dernière dernier match en 2013, défaite 4 à 2 en demi de conf. Et on en a parlé, ce fameux contre de Roy Hibbert sur Melo Voilà. qui éteint la Qui série. a mis fin à tous les espoirs de Knicks sur cette saison, sur cette post-season. Et Donc tout ça si pour dire que seulement la les Knicks étaient récurrence. qualifiés, bah en tout cas oui, il y avait une vraie histoire, il y a des vrais événements, il y a des vrais Il y a une récurrence de souvenirs tout bons ça, et moins bons c'est face à qu'il ne cette fait pas équipe. bon de rencontrer les Indiana Pacers en demi de conférence. Parce que 100% de matchs perdus contre eux, Pas de match. Défaite. trois matchs, Série trois plutôt. défaites. 4 à 2 en 2013, 4 à 1 en 98 et 4 à 3 en 95. Donc, est-ce qu'on va changer la L'histoire tendance? est-elle un éternel recommencement? On verra. En tout cas, il y a un début à tout. Et en tout cas, cette rivalité, elle va continuer, elle va durer. Et il est certain qu'on va revoir des images vintage qui nous font de bons comme de mauvais souvenirs. Mais ça, c'est justement ce qu'on aime dans ces rivalités et dans les grandes rivalités des Knicks avec certaines franchises. Celle avec les Pacers, je pense qu'on peut la placer assez haut. Je pense qu'on verra Oui, Reggie Miller ah ouais. commenter des matchs, c'est certain. Je pense qu'on verra Spike Lee encore une fois interviewé. Mais ce qu'on est sûr et certain, c'est que cette semaine, on a 4 matchs. On va pas parler du match qu'on attend le plus, on les attend tous. On n'a pas parlé de nos Factor X. Et on va peut-être parler de nos Factor X avant de faire nos petits pronos. Pour la première série face aux Sixers, on s'était projeté avec un Factor X côté Knicks, un Factor X tes Pacers. On va refaire de même. Tu avais bon, on va dire, hein, pour le Factor X côté Josh Hart, Knicks. Côté Pacers, bon, finalement, Batum, oui, mais est-ce qu'il a été si déterminant? Je sais pas. Il a eu des actions, certes, mais. D'un Factor X, finalement chez eux, quel a été finalement Oubre? Quel a été leur Factor X chez eux? Oublions, elle est La jambe finie cette d'Embiid? série. Elle est finie. Scott Foster? Je sais pas, on ne sait pas. Maintenant, ce qui nous Oh, il n'a intéresse, pas c'est été les si mauvais que facts. ça. Il n'a pas été si mauvais que ça. Hein. Au Game 5, il n'a pas été. 6, 6, 6. Au 6, il nous a Au pas 6, trop ouais. pénalisé. Pardon. Mais là, maintenant, face aux Pacers, toi, si tu devais te prononcer sur des joueurs qu'il va falloir regarder avant tout et qui pourraient, pourquoi pas, faire basculer la série, qui serait-il côté Knicks comme. Qui serait-il côté Pacers? Bien sûr, les joueurs forts, on les attend. On attend à ce que les stars brillent, que les All-Stars brillent, que les joueurs qui sont les leaders répondent à leur niveau de leader. Mais s'il y a des joueurs un petit peu role-player qui tirent leur épingle du jeu, qui seront-ils? Côté Knicks, Mitchell Robinson. Oh, très bien. Côté T'as Knicks, Mitchell revu. Robinson. T'as parlé des rebonds et donc lui, c'est Ouais. son métier. Justement, de la façon dont il va défendre sur Miles Turner, sur Siakam, sur Jalen Smith, même s'il joue beaucoup moins là en playoff. Mais voilà, son rayonnement au rebond, est-ce qu'il va détruire les intérieurs comme il l'a fait contre les Cavs, Face aux Cavs la saison cette dernière, série ouais. de l'année dernière où ça lui avait pas fait peur, hein, Evan Mobley, Jarrett Allen, hein, il est allé dedans et puis il avait tout gobé. Si c'est le cas, si on a un Mitchell Robinson version playoff 2023 Cavs, ça sera du grand Mitchell Robinson. Ça sera du grand D'accord. Mitchell Robinson. Qui va vraiment donner beaucoup d'air et ça sera lui qui sera le garant entre guillemets de la façon dont les Knicks vont se comporter durant cette série. Donc pour moi, C'est c'est noté. Mitchell Robinson le facteur X de cette série. Et côté Pacers. Côté Pas Pacers, eh bien facile. écoute, on va voir comment Obi Toppin va gérer cette série. Oh. Eh oui. On en a peu Obi parlé, Toppin, mais il va cette. faire ses retours hein, face à ses anciens Et Obi coéquipiers. Toppin, sur ses playoffs, on est donc sur un joueur qui a environ 20 minutes de moyenne, 12 points par match. Il est à environ 30% à 3 points, mais c'est un joueur qui a quand même cette faculté déjà d'être très énergique, de se projeter rapidement à l'avant, et ça est significatif de leur jeu de transition. Il va avoir à cœur de montrer qu'il fallait le conserver, même si ton petit Bodo a dit, moi j'ai toujours apprécié, mais c'est vrai que bon, il Ouais. était derrière Julius Randle et machin, mais voilà. Donc à voir comment il va se comporter, est-ce qu'il aura ce supplément d'âme face aux Knicks, ou est-ce que la pression, quand il viendra jouer au Madison Square Garden, va être un peu trop pesante sur lui, même si je pense que le public n'a rien contre lui, et bien au contraire, Obi, on l'a apprécié, donc il n'y a pas question qu'il soit conspué. Donc à voir comment Obi Toppin va gérer cette série. Ce retour à New York. Bon, ok, c'est noté. On note Obi Toppin pour le facteur X côté Pacers et Mitchell Robinson. Moi, de mon côté, facteur X côté Knicks, je vais plutôt voir un Deuce, un Miles McBride, qui, on le sait, va avoir droit à du temps de jeu. On le sait, va devoir être en mission défensive, entre autres sur Monsieur Haliburton. Et avec ses petites mains rapides, ses petites interceptions en veux-tu, en voilà. Moi, je pense qu'il a son épingle à jouer dans cette série. Et on l'a vu maintenant, il ne joue pas que sur les aspects défensifs, il sait aussi mettre des points quand ça compte, il n'a pas peur de shooter de loin, et il nous en a mis des plutôt très importants. Il aurait pu être un des artisans, un des héros de la fin du match 6, 5, pardon, face aux Knicks. C'est lui qui nous met le plus 6, hein, qui nous fait passer à 96, manque de bol derrière, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais voilà, Miles McBride, j'attends beaucoup de lui, et j'attends à ce qu'il soit justement un élément déclencheur. En plus, on le sait, le banc, il n'est pas vraiment fourni. On a besoin de points en sortie de banc. Et il aura aussi vocation à en mettre un petit peu pour aider le reste de l'équipe à tenir le choc face à cette orgie offensive qui s'annonce. Donc ça, c'est mon facteur X côté Knicks, côté Pacers. Eh non, Obi Toppin, oui, pourquoi pas, mais je vais partir sur un TJ McConnell. Je suis sur un format court, sur un format petit joueur, mais TJ McConnell, ce diable, il me fait faire des cauchemars. Et à chaque fois qu'il a joué contre New York, que ce soit quand il Ouais, était à c'est vrai. Philadelphie ou face au avec les Pacers, je ne sais même pas quelle autre équipe il a fait, mais à chaque fois, j'ai l'impression que ce TJ McConnell, il nous sort des shoots improbables et il émet. C'est ça qui est rageant. Philadelphie, Et. il y en a, il a fait. Bah voilà, bah à chaque fois il m'a fait rager ce TJ. Donc je ne sais pas quelle dent il a contre New York. Est-ce qu'à un moment donné il était prévu de le drafter, de le faire venir dans un training camp ou autre? Mais il se prend un malin plaisir à nous faire la misère et à nous mettre du point en sortie de banc et des paniers improbables. Donc attention à ce TJ McConnell, ne pas le sous-estimer. Il a encore de bonnes qualités basket et il saurait être encore en capacité de nous faire mal par son Neuf scoring. carrières NBA, hein. 9 ans de carrière NBA, ce Et ouais. gars-là, et il fait ses bon, hormis où je pense que là il avait dû être blessé, mais sinon c'est un vrai mec de rotation qui fait ses 70 matchs dans la saison. Hein. C'est un vrai Un joueur role-player, solide. c'est un vrai role-player NBA ce type-là. Donc méfiance sur TJ McConnell, bien sûr tous les autres joueurs, il faudra s'en méfier, mais la différence pourrait venir du banc aussi côté Pacers, tout comme on l'espère, elle saura venir un petit peu du banc côté Knicks. Bon voilà, c'est pour nos Factor X. Dites-nous en commentaire qui vous voyez comme joueur qui pourrait faire basculer la série en étant des joueurs de l'ombre, des joueurs des role-players, des joueurs qu'on n'attend pas nécessairement. Voilà, qui seraient vos Factor X sur cette série. Et donc, on va se lancer sur le prono de cette semaine. Et puis, De cette semaine. on fera le prono de la série la semaine prochaine. Hein, ouais, voilà, on sera déjà à 2 matchs joués. Enfin, 2 matchs, la moitié de la série en tout cas. 4 matchs, 2 à domicile, 2 à l'extérieur. Ça commence dès ce soir. Qui se lance sur le prono? Je vais me lancer, moi, sur le prono. Allez, je vais me lancer. Je vais le faire dans l'ordre, je vais les faire chronologiquement. Je vois, D'accord. j'espère, je souhaite de tout mon cœur que les Knicks s'imposent sur ce match 1, histoire tout de suite de mettre la bonne pression sur les Pacers, de ne pas faire un faux pas d'entrée de jeu. On a un avantage de terrain, faut savoir le conserver. Est-ce que les deux équipes sont dans une bonne dynamique? Bah oui, elles viennent de se qualifier. Qui a le plus le moral regonflé? J'espère que ce sera les Knicks. Est-ce qu'on aura tout de suite des plans pour contrecarrer le jeu rapide et le jeu offensif des Pacers? J'espère aussi. En tout cas, voilà, les forces en présence sont là. On sait que OG aura un rôle important aussi en défense parce que il va avoir du Siakam en face à gérer. Mais voilà, je vois un match avec un niveau de scoring assez élevé. Pourquoi pas un 115 à 111, un truc comme ça. Oh, d'accord. Assez élevé côté Knicks, parce que c'est pas dans nos habitudes. Pas si élevé que ça côté Pacers, parce qu'ils aiment en mettre plus. Mais il va falloir être performant en attaque. Et pour ça, il va falloir scorer. On sait que le trio des Nova Boys peut mettre des points. Les rebonds, ça va être important. Mitch, va falloir peut-être aussi tourner un peu en mode double-double. Hartenstein, les petits hooks. Tu nous en mets encore et tout ça devrait permettre de pouvoir arracher un premier match, une première victoire. Donc moi je vois plutôt une victoire ce soir, j'espère en tout cas. Malheureusement, je verrais plutôt une défaite sur le match 2 parce que les Pacers ils vont D'accord. continuer de jouer à un jeu offensif et il y a des fois l'adresse elle sera là et elle sera pas tout le temps là côté Knicks. On a vu, il y a eu quelques pannes d'adresse et je verrais plutôt une défaite côté Knicks sur le match 2. Déplacement à Philadelphie, à Indiana. Et je pense que Indiana serait bien en capacité de mener la série 2-1. D'accord, ouais. Je vois une série compliquée, hein. Je vous avoue, je vois une série compliquée. Ouais, je Le vois jeu ça. offensif me fait peur. Je vois une série qui irait à 2-1. Mais les Alors, si Knicks je peux qui... te rassurer sur une chose, c'est que en effet, donc le starting five qui est donc Turner, Siakam, Naismith, Newbard, Haliburton, ça score. Derrière, quand tu regardes au niveau du banc et au niveau des minutes qui sont données sur le banc, tu as un Obi Toppin en effet donc qui est à 12 points et un TJ McConnell qui est à 9,5, quasiment 10. Derrière, un bench Shepard est à 5 points et puis il n'y a plus rien. Donc le banc Et des pas si Pacers long que ça, quoi. est pas si long que ça. Et là, ils vont devoir d'être confrontés à une défense élite de NBA donc qui est gonflable. À Donc voir, à voir, à voir. C'est mon scénario, je peux me tromper, Bien sûr. comme je peux avoir raison. En tout cas, 2-1 à l'issue du match 3, et les Knicks qui seraient malmenés, mais les Knicks, on le sait, les Knicks ont du répondant, ont du courage, de la résilience, et viendraient égaliser à 2-2 à l'issue de ce match 4 Ah. sur cette fameuse KNF Viewing Party. Donc voilà, moi Toi, c'est tu mon la vends, scénario pour la quoi. Tu semaine. sais la vendre, parce que KNF, Bah ben voilà, moi c'est, je sais pas, si je devais me projeter, bien sûr, on les a pas encore vus. S'affronter ensemble les deux équipes, peut-être que ce soir, boum, c'est un blowout, peut-être que les Knicks, au contraire, se font désosser à domicile dès le match 1. Il peut se passer beaucoup de choses, le c'est drama. encore une série qui va être difficile à prédire. On aurait un peu plus de profondeur de banc, on aurait un Bojan, ah, on pourrait être un peu plus serein. Là, malheureusement, le banc des Knicks, en termes de points, c'est un peu compliqué. On sait que le starting 5 peut produire, et bon. Est-ce qu'il pourra produire au niveau offensif demandé? Est-ce qu'au contraire, défensivement, il pourra freiner les Pacers et se mettre à l'abri de cette façon? Moi, à l'issue de cette semaine, 4 matchs à jouer, je vois une petite série à 2-2 et je vous dirai le dénouement de la série la semaine prochaine. Voilà pour mon prono. À Eh bien toi de jouer, écoute, Seb. alors moi, premier match, première victoire pour les Knicks. Premier Cool. match, première victoire, on ne Jusque-là, déconne je te pas. suis. On ne déconne pas, match serré encore une fois, 101, 95. Ah, Justement, on les un maintient en écart plus dessous des 100 faible niveau points. de scoring. D'accord. Tu vois, on les maintient à moins de 100 points et ça se vérifie, on gagne. Deuxième match à la maison, on le gagne aussi. On mène la série 2-0. On gagne aussi, peut-être Ça plus me scoré, rappelle les peut-être plus, Sixers. plus dé... peut-être plus débridé. Troisième match, là-bas, on le perd. Ça me rappelle Là, la série face aux Sixers, ouais. avec leur public poussé à donf et tout, là, par contre, ça va pas être. Il va y avoir du chant des Knicks. Hein, il y a une Ah, ça énorme va plutôt avoir ferveur une... à Indiana. Ouais. Hein, ils sont tous habillés en jaune. Tu n'auras pas trop de bleu. Ça va pousser Fin de la fort. tournesol, quoi. Et deuxième match remporté également par les Pacers 2-2 à la fin de la semaine. Chacun gagne chez Ok. soi. D'accord. Au final, on en arrive au même bilan à la Ouais. fin de la semaine pour ces quatre matchs, mais pas la même chronologie, la même scénario, on va dire, plutôt, vis-à-vis des victoires et défaites. À voir si finalement la série reste encore équilibrée à l'issue de Peut-être ces qu'on quatre s'en premiers fait une matchs. caisse aussi, hein, peut-être qu'on s'en fait une caisse Peut-être que c'est d'Indiana. Hein. fait en 4-0. Ouais. Peut-être qu'en 4-0, peut-être que ça fait 3-1 à la fin de la semaine pour les Knicks. Je suis méfiant. Honnêtement, je suis Mais méfiant parce que même diminués, ils ont battu les Bucks. Faut respecter par rapport à ça. Ils bien emmagasinent de sûr. l'expérience. Bien Mais sûr, bien attention, sûr. Parce que attention. les Bucks, c'était encore Robin Lopez, c'était encore Bobby Ah. Portis, c'était encore Middleton. Bon, c'est encore tout ça, mais si je dois te donner au niveau du box score, t'as du Pat Beverley. Alors, t'avais du Damian Lillard sur le dernier match. Après, t'avais du Gallinari. Ça n'a pas beaucoup joué, hein. Du Malik Beasley, du Pat Connaughton. Tu vois, c'est pas dingo ce qu'il y avait sur le. Voilà, du Brook Lopez en 20 points, du Chris Middleton en 14 points. Mais c'était pas, tu vois, c'était pas non plus. Bon, On a une équipe vieillissante qui. il leur manquait trop de joueurs impactants, mais en tout cas, Donc. il faut respecter l'adversaire. Et on sait que c'est un Mais. adversaire qui nous a donné mené la vie dure Cette en saison saison qui nous a régulière. pas réussi. Après, les Ouais. Sixers nous avaient pas réussi sur la saison, je crois. Donc, je crois que si, on les avait Oh, gagnés. Si, on avait Si, si, si. l'avantage en Si, si, régulière, si, on si, était on à les avait gagnés. Mais 3-1. Ouais. là, on a la particularité cette fois-ci. Bon. Hormis Julius et Bogdan. Sinon, de les La rencontrer là au cheville. complet. La cheville de Mitch qui a fait un peu quelques fois un Il a peu été les là siennes. et Mais il a loupé un match. il Il a loupé sera un match. là. Il sera En tout cas, on là. espère Voilà, il surtout a ne loupé pas un match, avoir mais il sera là. de blessures Donc, supplémentaires parce que là, il n'y a plus de marge. Il n'y a plus de marge. là on a OG qui est là, on a Mitch qui est là, on a des joueurs qui se sont révélés, comme tu as dit, avec McBride qui a un niveau de jeu depuis 2024 incroyable. On a un Dante qui va sûrement avoir des shoots ouverts, un Josh Hart qui va nous faire du Josh Hart, peut-être moins au scoring, mais en tout cas toujours en termes d'énergie, d'envie, de rebond, il sera présent. Donc ouais, bah, en face évidemment, mais ça va scorer, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr que cette série-là, Il faut pas commencer à dire, oh, ça va aller, on a sorti les Sixers, ça va, ça serait là le Non. piège. Mais cette équipe, je lui fais confiance de ne pas tomber dans ce piège-là. Je fais vraiment confiance à cette équipe de ne pas tomber dans le piège de se dire, bon, comme a pu avoir des mots de comme a pu avoir Paul Reed avec son petit sourire en coin en disant, oh, ça va, c'est la meilleure match-up possible. Non, Ouais, non. et ben t'es sorti, mon pote, Par contre, mais. attention, attention cette fois à bien démarrer les matchs, parce que les écarts de points qu'on a pu prendre, mais qu'on a réussi à gommer face aux Sixers, ça sera peut-être plus délicat de venir les réduire, de revenir recoller au score face à des Pacers, même si tu l'as dit, le banc est peut-être moins prolifique côté Pacers qu'il ne pouvait l'être côté Sixers. Et attention quand même, attention, des écarts de points seront plus compliqués parce qu'on n'a pas non plus cette Et capacité à puis tu scorer sais, vite et avec en efficacité et contre-attaque, consistance. en contre-attaque, un Tomar de Dobby, un Mmh, 3 ça va points vite. de je ne sais qui. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, ouf, d'un coup, ça regonfle le moral. Tu vois, une équipe, allez, imaginons, on mène plus 6. Contre-attaque, l'autre il te claque un tomard de dingue, tu vois, tout le monde se lève. Et bien là, d'un coup, cette équipe-là, il lui faudrait peut-être pas forcément grand-chose pour que le Ah. brasier prenne, tu vois. Donc, Obi aura un côté revanchard, c'est certain, sur cette série. non, Il y mais aura son petit Obi, frère en survêt, t'as vu voire en d'ailleurs la tenue décla? civile sur le banc. Mais Est-ce que t'as vu la décla? Il oui, lui que a la posé la famille question aura en pas disant. trop de mal à savoir pour qui il fera Il a supporter. dit, Ouais, bah, oui, vu que forcément. Jacob joue pas, ça va être pour moi. Ouais, toujours pour le grand frère, il y en a marre. Bon, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, les Knicks ont une opportunité qui se présente à eux avec cette nouvelle série qui commence ce lundi soir d'aller loin en playoff et de pourquoi pas rêver à des finales de conférence. Donc, qu'ils saisissent cette opportunité, qu'ils restent appliqués. On a vu qu'ils jouaient avec sérieux, qu'ils ne prenaient rien pour acquis et qu'ils voyaient les Non, c'est choses pas, match mais par qui match. lâchera en tout Donc, cas, on a ça une c'est sûr. très bonne mentalité au niveau de l'équipe, un très bon coach aussi. Il faut le souligner une fois de plus. Donc, il Ah, il n'y va a les pas de maintenir raison qu'on ne progressivement. vibre pas encore une fois lors de cette série. Et pour bien vibrer, on vous donne encore une dernière fois un rendez-vous, ce rendez-vous Je dimanche suis soir désolé, pour le je match vous mets une 4. défaite, moi, pour votre viewing. Ouais, mais tu t'es trompé, tu Pardon. t'es trompé. Après, peu importe, non, peu importe le Et si résultat, ça tant se que les trouve, Knicks c'est le match de la gagnent. victoire, c'est le match du sweep, si ça se trouve, t'imagines? Mais voilà. Donc Incroyable. ne loupez Incroyable. pas, il y en aura peut-être pas d'autres de sweep sur ce second tour. Et puis rappelez-vous, en 99, c'était peut-être un Oh, peu le compliqué. karma. Et là, c'est Au le match du premier. sweep des Pacers, quoi. Oh, Oui, non. On va la soupe voir à tout la ça. On va grimace. voir tout ça. On va voir tout ça. Ah, la Non, bière non, non. aura pas le bon, aura pas le même goût, je Ouais, elle a l'air, cette bière. Non, non, non, elle va être te douce, elle va être sucrée, elle va être festive. le Et puis, si vous voulez festoyer avec autre chose, il y a tout un tas de choses. Donc voilà, on vous donne rendez-vous ce Et dimanche. puis en On vous le plus, répète, le président de la 21h. KNF paiera sa tournée, ça, donc faut pas la Hop, rater. hop, hop, hop, hop. Calme-toi, calme-toi. Tu Ciao, m'enverras tes codes de carte bleue juste avant. On ciao, vous souhaite une très très bonne semaine. 4 matchs cette semaine. On espère que vous êtes reposé un peu, que vous avez digéré cette série face aux Sixers et que vous êtes prêt à vous passer au plat de résistance avec ces Pacers. En tout cas, nous, on va être au rendez-vous. On va suivre tout ça ensemble. Et puis, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors, ça sera peut-être pas le lundi. On verra comment on se remet de cette viewing party. Mais en tout cas, on viendra vous débriefer tout ça sur KNF TV pour l'épisode. Lundi prochain, enfin la semaine prochaine, l'épisode 90. Là, on va boucler le 89. Voisin du dessous, bonne semaine à toi. Let's Bah go, écoute, Knicks. voilà, toi aussi, hein. Je crois qu'il n'y a pas autre chose à se dire. Et puis que l'aventure continue le plus longtemps possible. En tout cas, on est au moins reparti pour une semaine, voire deux, de Knicks en playoff. Donc pour ça, on va vous accompagner et on va le faire dignement et le plus sérieusement possible. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Let's go Knicks et à très vite sur KNF TV. Ciao ciao! Ciao, ciao.